Tendre Père, nous sommes au-devant de toi, avec tout ce peuple, Père de gloire, de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée, concentrés sur toi et prosternés devant de ton trône. Tu as dit, ô Dieu de gloire, que nous avons accès auprès de toi, depuis que le Christ Jésus est allé à la croix pour nous. C'est en vertu de cette croix et l'œuvre qui a été accomplie à cette croix-là que nous venons maintenant devant de toi, non seulement pour te rendre grâce, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant ces jours, pour ta protection, ta main puissante, ton regard bienveillant et ta protection dans nos vies, dans la vie de notre famille, la santé que tu nous as accordée, la respiration et le souffle que tu donnes chaque jour. Père, qui sommes-nous pour mériter même de prononcer ton nom? Qui sommes-nous pour chanter tes cantiques? Seigneur, nous sommes tes privilégiés. Il t'a plu, avant la fondation du monde, Père, de nous adresser ces cinq vocations, afin que nous soyons jugés dignes par toi-même d'invoquer ton nom. Père, nous venons aussi au-devant de toi pour te demander pardon pour tous nos manquements, pour toutes les fois que nous avons irrité ton esprit, de façon consciente ou non. Je prie, Père de gloire, pour tous ceux-là, ô Dieu, qui sont connectés maintenant. Pour tous ceux dont l'irritation les prend chaque fois, pour tous ceux dont qui ont des accès de colère et que tu as averti à plusieurs fois que tu n'aimes pas ces choses. Je prie, Père, que la grâce que tu as répandue encore pour nous aujourd'hui couvre cette multitude d'iniquités. Merci Père de gloire pour nos frères qui sont maintenant. Merci pour tous ceux-là donc qui sont alités et qui t'aiment toujours. Merci Père pour ta grâce que tu abondes dans nos vies chaque jour. Seigneur, elles sont nombreuses. Les nommer Père de gloire, toute une vie ne suffirait pas. Mais tu es le Dieu bon, le Dieu redoutable qui est bon pourtant pour nous. Seigneur, nous venons devant de toi pour te dire merci. Donne-nous de te servir d'un cœur pur, de te suivre tous les jours de la vie Père et d'être surtout obéissant. T'aimant de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de tout notre esprit. Donne-nous, Dieu de gloire, que rien ne passe avant toi dans nos vies. Que nous t'aimions de tout notre cœur, de tout notre être, Père de gloire, et que nous te servions à la louange de ta gloire. Donne-nous de te suivre et de marquer de nos vies, Père de gloire, ton empreinte. Que toi seul, tu prennes le contrôle de chacune des choses que nous allons faire maintenant et dans le suivant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais mettre un peu le... Parce qu'il faut qu'on... Amen. Par le téléphone, par l'ordinateur, on ne vous entend pas. Donc, je vais brancher. Vous n'allez pas m'entendre pour une seconde. Je vais essayer de faire pour qu'on vous entende. Alors, vous écoutez. La sœur Suzanne Glouton, ton micro, s'il te plaît. Sœur Suzanne Glouton, ton micro. Oui, frère. C'est dommage, j'aurais souhaité vous connecter sur le baffle, mais là il va falloir que je redémarre encore, je ne sais pas si je peux redémarrer. Donc, le couple Trabi de Belgique, bonsoir, bonsoir avec Aurélie, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que vous bénisse là-bas. Ceux-ci ne répondent pas. Amen, amen, amen, amen. Amen. Ils sont fatigués. Non. Le frère Camille, bonsoir. Bonsoir, bonsoir frère, bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. La sœur Louise Ngo de l'Espagne, bonsoir. La sœur Louise Ngo, bonsoir. Bonsoir. Donc en temps normal, tu parles doucement, c'est ça. La sœur Carole Josiane de Canada, bonsoir. Bonsoir, bonsoir toute la famille de Dieu. Bonsoir. Et encore qui? Le frère Melchi et la sœur Gigi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je suis du Maroc. Le frère Marcelin Ibumbu de Simalen Yaoundé, bonsoir. La sœur Carole d'Allemagne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, bonsoir. Aujourd'hui, on ne te voit pas, c'est comment? Ton mari n'est pas là, hein? Si, il est là, il est en train de manger. Ah, c'est pour ça que tu as caché qu'on ne le voit pas, hein? Le frère Stéphane de Lyon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, Église de Dieu qui est à Douala. Amen. Le frère Joben du Maroc, bonsoir. Le frère Joben du Maroc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir. France Sidibé, Abidjan, en Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, l'Assemblée. Bonsoir, bonsoir. Le frère Jean-Paul et la frère Saint Frère, comment vous bougez comme pour les gendarmes bien comme ça? Frère Jean-Paul, bonsoir et Flavie, bonsoir. Votre micro est coupé. Bonsoir. Bon, ce sont les assiettes qu'on entend là-bas. Donc, c'est celui qui mange, les bouchées occupées, il balance mal les mains comme ça. Oui, vous entendez. Le frère Francis Tamé de Maroc, Casablanca, bonsoir. Le frère Maroc est là. Le frère Francis du Maroc, il est là. Je crois que le micro est coupé aussi de là-bas, de ce côté-là. La soeur Jaoudou de Maryland avec ma soeur bien-aimée. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. Bien, merci ma soeur. On t'a là maintenant ta bouche, frère Jean-Paul. Oui, le micro était. C'est ça qu'il dit. Tu as dit, tu as coupé le micro. Vous êtes de manger. On entend seulement les assiettes. La sœur Assetou Aedra, bonsoir du côté d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Shalom, shalom. Bonsoir. Le frère Jean-Paul maintenant et la sœur Flavie d'Allemagne. Bonsoir alors. Bonsoir. La sœur Suzanne Claudon de Pays-Bas. Bonsoir. La sœur Suzanne Cloudon, bonsoir. Bon, on peut penser qu'elle est en transe comme l'apôtre Pierre sur les toits de Corneille. On continue de ce côté-ci. Le frère Camille et la sœur Stéphie, bonsoir. Bonsoir une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse et nous avancerons. Nous savons que vous allez passer un bon moment ensemble. Amen. Je crois que j'ai fait le tour, si j'ai pas oublié quelqu'un. Le frère Cyril et la sœur Alice d'Allemagne, bonsoir. Bonsoir, la sœur Alice, le frère Cyril. Ton mari au travail? Non, il est là. Il ne veut pas nous saluer, n'est-ce pas? Il est dans la chambre, en fait. Le frère Bérénique de l'Allemagne, bonsoir. Ta caméra est en train de tourner depuis, je ne sais pas si tu es connecté, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, tu es connecté là maintenant. Je crois que j'ai fait le tour. Le seul le frère, les frères Marcelin. J'ai oublié quelqu'un là-bas. Suzanne, la sœur Suzanne, bonsoir. Suzanne de Canada, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc tu voulais me piéger qu'à la fin tu dis que je n'ai pas dit bonsoir à toi. Bon, je crois que la sœur Laetitia de Yaoundé au Cameroun n'est pas connectée. Le frère Ebombo est connecté, c'est sûr qu'il nous entend. Si tu nous entends, ton micro est coupé. Le frère Francis également de Casablanca au Maroc, on ne te voit pas. Le frère Francis, si tu entends, ton micro est coupé. Bon, y a-t-il des questions, frère? On commence. Y a-t-il des questions? On sort les Bibles. Oui, il y a beaucoup de questions. Frère Trabi. Hein? Frère Trabi, bonsoir. Il y a des questions. Pose des questions. Ok. D'accord. La première question, c'est sur trois volets, en trois passages. Le premier passage, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. 1 Corinthiens, combien? Chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Et puis, on va prendre encore 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Et ensuite, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Je voudrais un peu que le frère nous explique un peu. 1 Jean, chapitre combien, frère? 1 Corinthiens. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, verset 16, à partir du verset 16. Parce qu'il faut dire ici, il faut dire aussi que hier, ici, nous avons reçu des frères qui sont venus nous enseigner une doctrine, on n'a pas compris dans ce qu'ils ont dit, mais on a discerné de quel esprit ils avaient. Ils nous parlaient que lorsque le chrétien est baptisé et est sauvé, la vie de péché qu'il va vivre, ou bien la vie qu'il va vivre encore, comme fraude, comme tout cela, que le Seigneur ne ne regarde plus cela. Il est sauvé et une fois pour toutes, c'est tout. Parce que, en 1 Corinthiens chapitre 15, 51, la Bible nous dit que notre. En un clin d'œil, vas-y, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Parce que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et il a soutenu par là pour nous dire que le corps là, qui est voué au péché, ça va être changé parce que c'est un corps corruptible. Donc, si on vit dans le péché, il n'y a pas de problème. Si on vit, parce que ce corps ne peut pas vivre sans péché. Selon lui, il expliquait que le corps ne peut pas vivre sans péché. Il a soutenu ça aussi avec 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. Je vais le lire. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez vous. Ça oppose vous à la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Le verset 5, les gens qui étaient venus hier nous ont soutenu ici, par exemple, ils ont dit que ce n'était pas grave le fait que dans l'église de Corinthe, les gens avaient de l'impudicité généralisée. Mais ce qui a intrigué l'apôtre Paul, c'était le fait que l'un d'eux avec la femme de son frère. Et en plus, il a soutenu encore avec le verset 5 en disant que le gars est sauvé parce que, bon, il a été lavé pour le condamnement du baptême. Par le baptême et il est justifié. Il est justifié pour toujours. Alors, si tu commets les péchés de l'impudicité ou quoi, il sera sauvé. Néanmoins, parce que dans le verset 5, on nous dit que afin que son esprit soit sauvé le jour du Seigneur, c'est sa chair qui sera détruite. C'est sa chair qui sera livrée à Satan. N'oublions que les frères, bon, que oui, nous explique voilà, explique cela. Avec aussi le 1 Jean, chapitre, non, parce chapitre qu'il a montré là-bas, il y a deux types de péchés là-bas aussi. Jean chapitre 5, verset 16 dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ok, donc les frères nous ont fait comprendre que le péché, par exemple, voler, mentir, aller avec la femme de son prochain, frauder le métro, toutes ces choses-là ne sont pas des péchés. C'est la chair qui commet ces péchés-là et que son esprit est sauvé pour la rédemption. Son âme n'est pas touchée, son âme n'est pas impliquée dans l'affaire. Lui, il est justifié. C'est les hommes qui le voient comme voleur, mais Dieu ne le voit pas comme voleur. C'est vrai qu'il y a les yeux de Dieu et il y a les yeux des hommes. Il y a comment Dieu voit ces choses. Je vois que vous deux là, vous êtes vraiment courroucés. Je crois que vous parlez, mais je sens qu'on vous a vraiment terrassé. Donc allez-y doucement, doucement, doucement. Allons-y. Ok. Donc c'est ce qui s'est passé un peu. Hier, c'est ce qui s'est passé. Donc frère Rabi, recommence encore parce qu'il y a le frère Francis Tamé de Casablanca au Maroc qui vient de nous joindre là. Il faut le remettre dans le bain parce qu'on vient de commencer. Le frère Francis, il te dit bonsoir déjà au nom de toute l'assemblée ici et de tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir. C'est le frère Trabi, le couple Trabi qui sont en train de mettre les plans, quoi, les choses sur les planches maintenant. Donc frère Trabi, après le bonsoir de frère Francis, redis la chose. D'accord. Pardon, tout le monde, tous les frères et soeurs, à toi là et le parlement, tout le monde vous bénisse. Bonsoir, frère. Donc, voici. Quand tu viens d'arriver, nous avons reçu la visite d'un groupe. Il se nomme le tour doctrine des apôtres.fr. D'accord. Nana est leur conducteur dans le monde. Quel est le nom de leur conducteur? Il s'appelle Apollo Nana. C'est un Camerounais. Non, c'est un Burkinabé. Oh. Maintenant, celui que nous avons reçu ici, c'est le frère Boka. Attends, oui, vas-y. Voilà, il s'appelle le frère Boka. Et il soutenait ici que le chrétien, que le message que les apôtres ont apporté, c'est sur trois formes. Trois volets. Trois volets. Tu crois au Seigneur Jésus. La repentance. Tu passes par l'eau du baptême et tu es justifié pour toujours. Et en pratiquant, même si tu pratiques le péché, si le Seigneur vient te trouver dans le péché, comme tu es déjà baptisé, justifié, sauvé, le Seigneur ne regarde pas cela parce que toi tu es déjà justifié. Donc tout autre péché que tu vas commettre là, c'est la chair, que la chair ne peut pas vivre sans péché. Que de la même façon. De la même façon, il prenait des images simples pour nous dire qu'il faut, on peut, que nous sommes dans le monde et la chair a besoin forcément de péché. On ne peut pas vivre dans le monde sans péché. Et est-ce que du matin jusqu'au soir, est-ce qu'on n'a pas péché? J'ai dit, nous n'avons pas péché. En quoi nous avons péché? Qu'on peut regarder une personne sans convoiter la personne. C'est quand tu convoites que tu as péché. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est un peu tout cela, et il a, nous sommes passés partout dans les écritures. Il a soutenu avec le livre de chapitre 5, à partir du verset 16. Et nous sommes allés aussi voir ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Verset 1, c'est bon. Où ça s'est trouvé qu'il y avait une impudicité généralisée. Et il dit que l'apôtre Paul est venu intervenir parce que le péché était arrivé dans son paroxysme. À tel point que on n'entend même pas ça sur les païens. Ça veut dire qu'il pouvait faire cela, mais tellement ça a dépassé le degré. C'est pourquoi Paul est venu parler. Parce que alors, donc mon frère, tu dis que c'est la doctrine. Ce groupe-là s'appelle quoi déjà? Retour doctrine des apôtres.fr. Voilà, je crois que les frères, on a vraiment beaucoup de choses à faire en ces derniers siècles-ci. Et souvenez-vous, si vous n'êtes pas ancré dans les Écritures, je crois que si vous aviez encore quelques convoitises dans vos cœurs et que vous ne désiriez pas la sanctification, alors on va vous faire encore entrer dans vos péchés. Comme la Bible déclare qu'ils entrent dans les maisons, ils cherchent des femmes chargées encore de péchés, apprenant toujours et n'arrivant point à la connaissance de la vérité. Donc, si vous êtes d'accord, on essaie d'examiner cela à la lumière des Écritures. Je crois que cette doctrine-là, c'est la doctrine de Simon, plutôt le magicien. Je crois qu'on devrait plutôt les appeler la doctrine de Simon le magicien, .fr.com. N'est-ce pas, Frère Camille? Ou bien, tu es neutre? Je ne suis pas neutre, mon frère. Je ne suis pas neutre. Attends. Et ça, on s'en va abasourdi par rapport à ce qu'on entend. C'est comme si on rencontrait l'entrée en arrière. Ok. La première des choses. On peut avancer, on peut commencer maintenant. Amen, amen. Si vous voulez commencer, vous pouvez faire vous me faites juste comme ça. Voilà, c'est bon. Si tout le monde est là, bon, c'est vrai que ceux qui ont les photos là, s'ils font comme ça, on ne doit même pas les voir. Alors, la première des choses qu'on comprend dans ces choses-là, c'est qu'ils ont la doctrine de la justification, mais ils n'ont pas la sanctification. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Donc, nous remarquons qu'il y a la justification, mais il n'y a pas la sanctification. Or, la sanctification, notez déjà comme ça, le Hébreu chapitre 12, verset 14, nous stipule que rechercher, c'est un commandement qui est écrit là-bas dans ce verset 14, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ce qui est écrit. Donc, on va avoir plein de versets comme ça, selon que le Seigneur va nous donner. Dans le livre d'Hébreu, au chapitre 12, verset 14, nous dit, la sanctification est la plus grande des doctrines même de la vie de l'Église. La sanctification, c'est la plus grande des doctrines même de l'Église. La notion de sanctification, c'est plein partout dans la Bible. Dans le livre d'Hébreu, chapitre 12, s'il y avait vide là, s'il vous plaît, vous me dites pour que je puisse me calmer. Parce qu'on touche la parole de mon père, là, je suis dans tous les sens, là. On peut y aller. Amen. Ok, donc je disais que la doctrine des apôtres, la doctrine principale des apôtres, justement, c'est le contre de ce qu'eux, ils enseignent. Parce que le Seigneur Jésus, souvenez-vous de la mission du Seigneur Jésus. Ah, mon Dieu, ça va prendre dans tous les sens, là, maintenant. Le Seigneur Jésus est d'abord venu pour nous affranchir du péché. C'est le premier principe, là-bas. Toutes les autres choses que l'homme pouvait faire, on pouvait obéir au rituel du commandement de la loi, mais jusque-là, on ne pouvait pas vivre parce qu'il y avait le commandement étant venu. La Bible nous enseigne que quand le commandement est venu, nous sommes morts. Et par conséquent, notez également Romains chapitre 5, 6, 7, puis 8. On va y arriver. Notez donc Romains chapitre 5, 6, 7, 8. Je crois qu'il faudrait me redonner les chapitres comme ça au fur et à mesure qu'il va expliquer, il va dire ça se trouve dans quel passage. Vous avez fini? Notez Jean au chapitre 8 parce que je vais y aller. Merci Père. Notez Jean au chapitre 5 également parce qu'il va citer cela. Notez Apocalypse chapitre 7, chapitre 14, chapitre 21. Je vais y toucher. J'ai dit Romains chapitre 5, 6, 7 et 8. Jean, le chapitre 8 et le chapitre 5. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 7, chapitre 14, chapitre 21. Vous y êtes? Notez Hébreux chapitre. Si vous avez moi, Hébreux chapitre 7, le chapitre 10, le chapitre 12. Hébreux, chapitre 7, chapitre 10, chapitre 12. Je peux continuer? Donc, au fur et à mesure qu'elle avait parlé, maintenant, on va commencer par là. Notez le livre de Luc au chapitre 1. Notez le livre de Luc au chapitre 1. Les versets 64 à 67, ou bien 74. Notez comme ça. 64 à 74. On va lire. Je ne sais pas de quel côté, c'est plein seulement là. Vous y êtes? Notez également le livre de 1 Corinthiens, justement, au chapitre 6, les versets 9 à 11, puis les versets 15 à 20. Ah, c'est plein seulement. Notez Éphésiens au chapitre 5, versets 22 à 32. Il y a dit 1 Corinthiens au chapitre 6, les versets 9 à 11, puis les versets 15 à 20. Puis je dis encore, Éphésiens au chapitre 5, versets 22 à 35. Notez aussi le verset 1 du chapitre 5 d'Éphésiens au verset 11. Vous y êtes? Notez également, c'est plein tout simplement. Donc, je vais devoir couper après d'avoir donné 4 passages encore. Notez le chapitre 4 d'Éphésiens, le chapitre 4 d'Éphésiens, verset 17 à 31. Ah mon Dieu, c'est plein. Notez Colossiens, le chapitre 3, verset 1 à 10. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 10. Je peux continuer? Si ça va, vous me dites, vous faites comme ça que ça va, j'arrête. Notez 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. Bon. Notez 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 1 à 8. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. Le chapitre 5, verset 23. Voilà, on peut commencer. Frère Stéphane. Présent, monsieur. Est-ce que tu peux nous lire? Je vais donner un passage maintenant qui n'a rien à voir avec ce que vous avez donné. Je vous ai donné là maintenant. Est-ce que tu peux nous lire Galates chapitre 5, le verset 13? Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Relis encore ça, frère, pour que les autres frères puissent entendre. Je crois que le frère Trabi n'a pas suivi. C'est Galates chapitre 5, le verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, au verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul est assis à dire ici aux Galates de faire attention que c'est vrai que le Seigneur Jésus nous a appelés à la liberté, comme ce groupe-là est en train de dire justement. Mais qu'on ne prenne pas cette liberté-là pour commencer à prendre comme prétexte pour vivre selon la chair. Justement, le Seigneur Jésus est venu afin que nous quittions le domaine de la chair au domaine de l'esprit. La Bible dit plusieurs fois, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, dans ce Romains chapitre 8, et vous n'accomplirez pas, nous sommes dans le chapitre 5, toujours de Galates là, au verset 16, là en bas, verset 16 et 17, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas, c'est ce qui est écrit. Si on marche selon l'esprit, donc ça veut dire clairement qu'aucun membre des groupes de doctrine des apôtres.fr, y compris, vous savez, vous appelez quoi? Nana ou c'est Nadjom, c'est Naki là? Nana. Apôtre Nana. Nana. Oui. Donc, lui, commençons par lui, parce qu'il est le pape, il n'a pas l'esprit. Parce que s'il marche selon la chair, ça suppose qu'il fait les œuvres qui est contraire à ceux de l'esprit. La Bible dit dans ce Galates au chapitre 5, justement, verset 16, que j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils en ont des contrats afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Puis la Bible nous fait état ici des deux groupes. Donc, si vous marchez selon la chair, on peut voir effectivement les fruits que vous portez. Il dit donc, le fruit de la chair est évident. Ce sont ceci, ceci, l'animosité, l'impudicité. Vous voyez, ça, c'est les œuvres de la chair. Et la Bible nous dit clairement, dans le livre de Jacques au chapitre 4, le verset 4 à 8, il nous dit clairement que si nous aimons le monde et les choses du monde, nous rendons automatiquement ennemis de Dieu. Vous voyez? Donc, et la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Vous voyez? Donc, je crois qu'ils sont en train de compléter seulement la doctrine des témoins de Jéhovah qui dit qu'il n'y a pas d'enfer. Parce que pour les témoins de Jéhovah, comme il n'y a pas d'enfer, par conséquent, il n'y a pas un endroit où Dieu va brûler les gens. Par conséquent, chacun peut pécher comme il veut là, sous-entendu, et sachant qu'il n'y a pas de punition comme ça. Alors, ce sont des choses dangereuses. J'ai dit dans mes propos lumineux ici que la doctrine principale, sinon la doctrine depuis même la Genèse, c'est la nécessité de la sanctification. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est la nécessité de la sanctification. Quand Adam a péché, il s'est éloigné de Dieu. Dieu, après avoir versé le sang, a dû couvrir le péché. Vous voyez, le sang était le signe de la justification. Parce qu'ils ont pris comme ça l'innocence de l'animal qui a été versé. Et maintenant, ils ont été revêtus. Vous voyez, je ne sais pas si vous me suivez. Si vous regardez le Romains au chapitre 13, les versets 11 à 14, vous allez remarquer effectivement que la Bible déclare effectivement qu'on se dépouille, qu'on soit dépouillé des œuvres des ténèbres, qu'on soit dépouillé des œuvres de la chair, qu'on se revêt du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On doit être dépouillé non seulement de ces choses du monde aussi, mais on doit être revêtu du Seigneur Jésus. C'est ce qui ressort également dans le livre de Colossiens chapitre 3 que je vous ai donné. Vous voyez? Maintenant, prenez ces Colossiens chapitre 3 de Colossiens. Qui est là, qui va lire nos... Frère Camille, tu peux nous lire les versets 1 à 6. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 6, frère Camille. N'oublie pas d'ouvrir ton micro, on ne t'entend pas. Je m'excuse, frère. Vous avez été ramené de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice entre parenthèses, l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous conduisez. Autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Et vous vous êtes revêtu de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Amen. Ça, c'est bon. Amen. C'est bon. Donc, je crois qu'en lisant là-bas, nous voyons effectivement comment l'apôtre Paul est en train de contredire justement ces gens-là qui se targuent d'être de la doctrine des apôtres. Nous sommes d'accord là-dessus. Et nous voyons que ces gens-là, donc ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas été délivré de ses péchés. Il marche, il court ciel et terre et il cherche ceux qui seront de son avis. Ceux qui ont des péchés encore dans l'air, ceux qui veulent satisfaire. C'est un peu comme ceux du Congo. Il y a un groupe au Congo là, que lorsque vous venez là-bas, ils vous donnent plutôt la bière. Vous buvez, vous chantez jusqu'à la délivrance. Ils délivrent les gens avec la bière. Au Congo là, j'ai entendu et vu des choses là-bas terriblement. Il y a un autre groupe là-bas qui ont leur père là-bas. Ils disent que c'est Dieu. Et il est monté à la montagne. Quand il est mort, on a dit qu'il envoie les nouvelles maintenant. Il est entré dans la dimension de l'esprit. Au Congo, Même le président là-bas, c'est les grands hommes là-bas vont le consulter. C'est tellement grand. Donc, je crois que ce groupe-ci, c'est celui-là, celui qui a initié cela, a tellement de péchés en lui qu'il a voulu satisfaire au point où il cherche des gens qui ont les mêmes natures comme lui. Parce que la Bible nous déclare dans ces Colossiens que nous venons de lire là, que effectivement nous avons abandonné l'ancienne nature avec ces choses-là. On dit qu'on a abandonné cela, on a revêtu une nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est la nature qui vient de Christ et ça ne peut pas désirer le péché. C'est incompatible avec la vie du péché. C'est tout le Nouveau Testament là, c'est la révélation du Nouveau Testament. La vie de Christ dans un peuple qui pêche. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ouvrons le livre des Philippiens au chapitre 1. Prenez le livre des Philippiens, c'est toujours toi qui lis, frère Camille. C'est quelle version que tu as là? Le frère Camille, ton micro est fermé, souviens-toi, c'est toujours. Donc, prenons le livre de... Ouvrez Philippiens, prenez le chapitre 2, les versets 15 et 16. Philippiens 1. Philippiens chapitre 2, versets 15 et 16. Voilà ton aide semblable. Voilà ton aide semblable, frère Camille. Philippiens 1. Philippiens 2. Ok, Philippiens 2. D'accord. 16 à 17. Ok. En représentant le message de la vie, ainsi, je pourrais être fier de vous au jour de la venue de Christ, car mon travail et ma peine n'auront pas été inutiles. Frère, prends, je crois que c'est décalé chez toi. Je crois, laisse le frère Béguenig lire. Le frère Béguenig lit-nous le verset 15 et 16 de Philippiens 2. Afin que vous soyez irréprochables et purs. À haute voix, frère, à haute voix. Afin que vous soyez irréprochables et purs, non pas de Dieu irrespéhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, la parole de vie. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ. De n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Donc nous voyons effectivement ici que l'apôtre Paul en le dit aux Philippiens qu'ils soient au milieu de cette génération perverse et corrompue, avec ils portent les épreuves flamboyants. C'est-à-dire que la parole de vie prenne vie en eux, de telle façon qu'ils soient dans ce milieu de ce peuple-ci, pendant que les gens sont corrompus, sont dans le péché, ils ne sont pas dans le péché. Et là, il dit qu'il pourra se glorifier de n'avoir pas prêché en vain. Or, c'est cet apôtre Paul-ci qui a écrit dans Corinthiens, dont ces gens-là prennent pour pouvoir dire que c'est l'apôtre ne fustigeait pas le péché. Or, l'apôtre Paul est en train de dire clairement ici que si ces gens-ci, si nous vivons au milieu des pécheurs, sans vivre comme eux, il sera glorifié ce jour-là de ne pas prêcher en vain. Donc, en réalité, je vais finir de parcourir tous les autres versets pour qu'on voit la doctrine même des apôtres, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, et puis on va rentrer dans 1 Corinthiens au chapitre 5, 1 Corinthiens au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 16 à la suivante. Que le frère a donné. Donc, vous voyez effectivement que, j'ai dit chaque fois que dans les enseignements, que les hérésies sortent de la Bible. Toute personne qui va prendre les hérésies doit être d'abord, doit prendre la base d'abord dans la Bible. C'est pour ça qu'il va piper les versets de part et d'autre comme ça. Piper les versets de part et d'autre. Il ne parlera pas de la sanctification. Pourtant, le grand thème même de la Bible, c'est la sanctification. La Bible déclare dans l'œuvre de 1 Pierre que si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans accepter personne, conduisez-vous avec crainte, conduisez-vous avec circonspection pendant le temps de votre pèlerinage. C'est ce qui est écrit. Amen. Allons dans le livre de... Quand je vous ai donné beaucoup de versets, je veux seulement qu'on lise les versets, on laisse les versets parler. Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. On va lire deux passages là-bas. Apocalypse chapitre 21. Qui d'autre va lire? Mais les gens là sont tous où là maintenant? Moi je veux lire. Voilà, c'est Gigi. Lis les deux derniers versets du chapitre 21 d'Apocalypse. Apocalypse combien? 21. Le micro est déjà ouvert. Apocalypse, la vie 21, les deux derniers versets. Donc, les versets 26 et 27, c'est bien ça? Allô? C'est ça. Oui, c'est cela. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et on n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Bon, la Bible déclare donc dans cette nouvelle Jérusalem qu'on lui apportera la gloire des nations. Et on dit clairement qu'il n'y entrera rien de souillé. C'est ce qui est écrit chez vous. On dit clairement qu'il n'y entrera personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il y entrera seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie. C'est pas ce qui est écrit. Maintenant, je crois qu'une autre personne doit lire le verset 8 du chapitre, ce même chapitre 21. Frère Melchi. Frère Melchi. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les camps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà, donc nous voyons effectivement la destination de tous ceux qui commettent de telles choses, n'est-ce pas? Il dit, on va d'abord lire le livre et puis on va y arriver doucement avant de toucher ce que l'apôtre Paul voudrait vraiment dire aux Corinthiens. Mais maintenant, parlant des Corinthiens, allons dans 2 Corinthiens chapitre 7. Je vous ai donné ça aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. Frère Camille, tu as une version là-bas qui nous renverse. Tu lis la version là sans nous dire quelle version il est question. Je crois que quelqu'un doit lire dans une version, comme c'est un seul verset, puis toi tu lis. Le frère Bégueni, lis le verset 1 du chapitre 7 des 2 Corinthiens, puis le frère Camille va relire le même verset dans sa version. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est quel verset, parce que quand tu me regardes la quelle version de quel livre c'est. C'est chapitre 7. Quel verset? Ah, mais c'est là. Toutes ces promesses sont valables. Toutes ces promesses sont valables pour nous, chers amis. C'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui de tout ce qui salit le corps ou l'âme. Efforçons-nous d'être parfaits, saints, en vivant dans le respect de Dieu. Amen. Donc si les gens de la doctrine des apôtres lisent ça, ils vont déchirer ça seulement, n'est-ce pas mes frères? Donc, la Bible parle de la sanctification. Alors maintenant, je vais commencer à citer donc les différents versets de la Bible que je vous ai donné aujourd'hui. Là, vous voyez effectivement que la Bible nous dit que nous devons achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur, en achevant dans la purification de notre chair et de notre esprit. C'est ce qui est écrit clairement. Mais ceux de cette doctrine-là sont en train de dire que vous ne pouvez pas vivre ici sans péché, parce que le péché doit nourrir la chair. Maintenant, regardez-moi très attentivement. Dans le livre de Jean au chapitre 8, si vous prenez à partir du verset 1, vous aurez remarqué que le Seigneur Jésus-Christ on va amener une femme qui était arrêtée en flagrant délit d'adultère devant le Seigneur Jésus-Christ. Et on lui a demandé qu'il faut lapider telle femme d'après la loi de Moïse. Et puis on a demandé au Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce que lui en dit. Il a dit que parmi eux, celui qui n'a pas commis de péché, jette la première pierre. La Bible déclare qu'accusé par leur conscience, chacun, du plus petit jusqu'au plus grand, se sont retirés en jetant la pierre, ils sont partis, n'est-ce pas frère? Maintenant, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est frappante lorsqu'il reste seul avec cette femme-là. Le Seigneur Jésus-Christ pose la question, où sont femmes, où sont tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné? Il a dit non. La femme a répondu au Seigneur Jésus-Christ, non, ils ne m'ont pas condamné. Il dit, ok, moi non plus, je ne te condamne. Mais va et ne pêche plus. Vous remarquez cela, n'est-ce pas? Va et ne pêche plus. Le Seigneur Jésus-Christ dit à cette femme-là d'aller, de ne plus pécher. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Créateur, ne pouvait pas dire à quelqu'un que va et ne pêche plus sans, tant qu'il, alors qu'il savait que l'être humain ne pouvait pas vivre sans péché. Il ne pouvait pas lui dire que va et ne pêche plus, alors que cette personne-là ne peut plus le faire. Vous suivez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Maintenant, dans Jean au chapitre 5, on retrouve un autre monsieur qui est habité sur le à côté de la piscine de Bethesda. La Bible déclare que cet homme était alité depuis plus de 38 ans, il était malade. Lorsque le Seigneur l'a guéri, la Bible déclare verset 14 et suivant que le Seigneur l'a rencontré dans le temple plus tard, et après s'être révélé à lui comme le Fils de Dieu vivant, il a dit, maintenant que tu as été guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive rien de pire. Vous avez vu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous regardons, en retournant dans le livre de Jean au chapitre 8, c'est frappant, maintenant, à partir du verset 30. Si vous prenez votre lecture à partir du verset 30, je suis en train de partir, j'y vais un peu vite pour que nous prenions, il y a des passages que nous allons voir dans les profondeurs là-bas. Si vous prenez dans le livre de Luc au chapitre 8, à partir du verset 30, 31, 32 et plus jusqu'au 44, le frère Marcelin Ebombo de Yaoundé, tu es venu, ton micro est ouvert, ce qui est en train de nous écouter, veille fermer ton micro, s'il te plaît. Et si vous voulez parler, vous ouvrez vos micros pour parler. Donc, si vous ouvrez votre livre dans le livre de Jean au chapitre 8, les versets 30, 31, 32, 33, et qui a valu plus tard la tentative de lapidation de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit effectivement que le Seigneur Jésus-Christ va dire aux Juifs qui avaient cru en lui que si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est là où ça va commencer. Maintenant, je veux qu'on prête attention à partir de ce moment-là maintenant. Ces gens vont discuter avec le Seigneur Jésus-Christ en disant que nous ne fûmes pas esclaves de personne. Comment dis-tu que nous serons libres? Le Seigneur Jésus-Christ va leur expliquer effectivement le pourquoi de sa mission ici. Il va dire effectivement que c'est parce que vous êtes esclaves du péché. Il est clair que vous étiez esclaves en Égypte, on vous a délivré. Mais maintenant, vous êtes esclaves du péché. Et quiconque est esclave du péché, vous voyez, n'est-ce pas? Mais il a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà le pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Le Seigneur Jésus est venu pour nous affranchir du péché. Il est venu pour que le péché n'ait point de pouvoir sur ceux qui sont en alliance avec lui. C'est tout le développement qui va avoir lieu dans le livre de Romains chapitre 5 et le chapitre 6. On va y aller tout à l'heure là doucement. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que l'être humain qui était esclave du péché, si vous prenez le temps de lire le livre de Romains chapitre 7, vous allez voir que l'apôtre Paul va expliquer ce que le fondateur des doctrines des apôtres.fr vit maintenant là. Donc il vit dans ses membres, le monsieur là vit dans Romains chapitre 7, verset 1 à 18. C'est là où il se trouve. Il lui faut la délivrance avec tous ses disciples. Donc vous voyez effectivement que dans ce roman au chapitre 7, l'apôtre Paul fait état du fait que lorsqu'une femme est liée à son mari, tant que son mari est vivant, elle doit être son mari. La Bible déclare si du vivant de son mari, elle devient la femme d'une autre personne, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à elle. Le frère Marcelin et Bombo, son micro est ouvert. Alors, et par conséquent, l'apôtre peut mettre l'accent du fait qu'il parle aux gens qui sont, il dit, ignorez-vous, je parle à ceux qui connaissent la loi. Et là, il leur explique dans ce mystère-là pour ramener avec entre nous et la loi, en expliquant que l'être humain était dominé par le péché, mais à l'intérieur de cet être humain se trouve dans ce qu'on appelle l'homme intérieur, qui désire faire ce que Dieu dit. Mais la Bible déclare dans ce roman chapitre 7 qu'il trouve dans ses membres une autre loi qui lui est contraire. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire, misérable que je suis. Puis il commence à expliquer que ce péché-là, le péché qui habite en lui-là, c'est lui qui le pousse à faire des choses. C'est pour ça qu'il crie au miséricorde de miséricorde, qui doit le délivrer de ce corps de mort. Donc en réalité, c'est la délivrance qu'il faut. La plus grande des délivrances qu'un autre être humain puisse recevoir, c'est la délivrance par rapport au péché. C'est-à-dire, quelqu'un qui fumait et était accro, ce qu'on appelle ceux qui sont accros, addicted. Il y a des gens qui sont addictés, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, ceux qui sont esclaves, c'est le mot spirituel là-bas, esclaves de la pornographie. Il y a des gens qui sont esclaves de la pornographie, d'autres sont esclaves de la masturbation, d'autres sont esclaves du mensonge, d'autres de la bière, d'autres de la cigarette. C'est-à-dire, même s'il fait n'importe comment, il vole. Même s'il fait n'importe comment, même s'il a l'argent, tout l'argent du monde, il vole un crayon. Donc il a été attaché. Et par conséquent, lorsque cette personne s'est comme ça, il lui faut la délivrance. C'est quelque chose à l'intérieur qui pousse la personne à faire. L'être humain, aucune personne sur la terre n'a le pouvoir pour aider cette personne. Si on le met dans un milieu carcéral, on l'enferme en prison, lorsqu'il va sortir, il va continuer les mêmes effets parce que c'est un esprit qui se trouve à l'intérieur de lui. Allons donc dans le livre des Romains au chapitre 7, voyons comment l'apôtre Paul a dit cela qu'on va traiter. Je vais lire maintenant. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu bénisse les docteurs, les apôtres, docteurs de quoi, comment ils appellent là. Que Dieu vous bénisse vous également qui vous nous suivez ici. Amen. Amen. Regardez très attentivement. Je vais lire à partir du verset 3 du Romains chapitre 7. J'espère que tout le monde y est. Donc, la condition que l'apôtre Paul allait expliquer ici, c'est la condition de toutes les personnes qui désirent servir Dieu, mais se trouvent à l'intérieur d'eux. Ils voient la lutte continue contre le péché. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas donné la révélation de la Bible, le Nouveau Testament. La révélation de la croix montre clairement qu'on doit être délivré du péché. Dieu ne nous a pas demandé de combattre contre le péché. Si vous vous combattez contre le péché, vous avez un problème. Si vous n'avez pas marché encore jusqu'à Golgotha. Quand on marche jusqu'à Golgotha, on passe par la tombe, on sort. Ces choses-là n'ont plus de pouvoir. Maintenant, écoutez très attentivement. Verset 3. Bon, prenons à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie. Voilà le mot. Vous avez vu, n'est-ce pas? Elle est affranchie. Affranchie, ça veut dire dégagée, délivrée. Il est dans le lien qui l'attachait à ces choses-là est coupé, affranchi de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Maintenant, puis il va directement dans le sens spirituel maintenant. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Je veux que vous gardiez maintenant le mot loi si dont on a voulu la définir ici. La loi dont on a pour en parler ici, parce que je vais glisser là-dedans. Si le Seigneur le permet, il dit, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Voilà le vrai problème. Donc, si quelqu'un est uni avec Christ, la Bible utilise le langage de nouveauté de vie. Je ne sais pas si vous saisissez. Toute personne qui vit selon la chair, vit selon la loi. Notez aussi 1 Timothée chapitre 1, on va y revenir. Et Éphésiens chapitre 2. 1 Timothée chapitre 1. C'est comme ça que les gens créent des choses pour aller séduire des gens. En fait, voici ce qui se passe. Quelqu'un sait qu'il n'est pas sauvé. Il essaie de chercher des gens qui sont du même avis que lui pour essayer de le réunir. Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas lutter contre la vérité. Personne ne peut lutter contre la vérité. Tant que c'est établi dans la Bible, vous montez n'importe quel chemin, Dieu va faire descendre cela. Amen. Alors maintenant, la Bible déclare, je continue ici, verset 4, verset 5 maintenant. Je crois que j'ai sauté là, non. Verset 4 encore. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Le but pour lequel nous nous unissons à Christ maintenant, c'est pour que nous portions des fruits pour Dieu. Quelqu'un qui vit dans la fornication ne pourra jamais porter des fruits pour Dieu. On va voir cela dans le chapitre 6 tout à l'heure. On va rentrer par là-bas. Maintenant, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Vous voyez, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est le thème de la Bible là-bas. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie en Christ Jésus. Donc, c'est deux lois différentes. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Soulignez cela. Nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Nous servons dans un esprit nouveau. Soulignez. Voilà. Maintenant, regardez verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi le commandement, quoi? Par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc, le péché a pour socle la loi, les interdictions. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais maintenant, dans cette interdiction, j'aurais souhaité vraiment que vous me regardiez maintenant pendant qu'il parle quelque chose. Vous qui n'avez pas des enfants, qui n'ont pas de bruit chez vous, là, vous pouvez ouvrir vos micros pour qu'on cause. Je parle, vous me répondez si vous me suivez bien. Pour que vous suivez bien cette partie-ci. Donc si vous savez qu'on n'a pas de bruit dans votre zone, est-ce que vous saviez pourquoi la loi de Dieu a été donnée véritablement? Non. Bon, qui sait? Je crois que c'est Gigi, qui sait? J'ai entendu la voix de Gigi quelque part là-bas. Gigi, dis-nous. La loi de Dieu a été donnée pour qu'on sache que... En fait, la loi de Dieu a été donnée pour nous révéler la nature du péché. Merci, cher Gigi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà la réponse parfaite de la Bible. Voilà, que Dieu te bénisse. Alors, donc, la loi a été donnée aux hommes pour qu'ils sachent effectivement qu'ils ont la nature du péché. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Dieu, en réalité, n'a pas donné la loi pour qu'ils observent pour avoir la vie. Jamais. Dieu leur a donné la loi justement pour leur montrer qu'ils ont un problème dans leur chair. C'est ce que l'apôtre Paul vient d'expliquer ici. Il dit, sans la loi, le péché est mort. Puis il va expliquer que car je n'y connais le péché. Regardez bien. Regardez verset 7 encore. Oui, c'est ça. Car je n'aurais connu le péché que par la... Non, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas. Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois, verset 9, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Vous voyez? Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui, me fit mourir. Donc Dieu voulait montrer à l'être humain que vous avez un problème avec vous. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui n'ont pas toujours compris ça. C'est pour ça que vous voyez effectivement que certaines personnes essaient de se justifier par eux-mêmes. Ils essaient de vivre une bonne vie, croyant qu'en vivant une bonne vie, ils vont être agréables à Dieu. Ils ne comprennent pas qu'il n'est pas question de vivre une bonne vie. Il est question d'être d'abord délivré de cette chose-là, cette gangrène du péché d'abord. Si on est délivré maintenant, on peut marcher en nouveauté de vie. Il faut que le Zoé de Dieu vienne, la nouvelle vie de Christ vienne sur nous. Si ça ne vient pas, l'apôtre Paul a dit dans ce Philippiens chapitre 2 que nous avons lu là, verset 15 et 16, qu'on porte cette flambeau-là dans un milieu pervers et corrompu. On doit porter cela. Ça doit être en nous pour marcher dans une sainteté irréprochable. On va lire cela. Alors ici, l'apôtre Paul a voulu expliquer que lorsque l'être humain était sans la loi, quand Dieu n'a pas donné la loi à l'être humain, si tu commettais l'adultère, tu ne pouvais pas savoir que c'était l'adultère. Mais maintenant, comme on a écrit que tu ne commettras point d'adultère, quand il guette la femme de quelqu'un, ça dit ah, elle est belle. Alors la lutte commence à l'intérieur. Quand la lutte commence à l'intérieur, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit donc en réalité en voulant amplifier cela, en disant qu'il a été écrit que tu ne commettras point d'adultère. Mais si quelqu'un regarde pour convoiter, il a déjà commis. Parce que la passion se trouve à l'intérieur. Dans Matthieu chapitre 15, il va dire que c'est de l'intérieur que viennent les maux, les mauvais désirs, les adultères et autres là. Toutes ces choses-là viennent de l'intérieur et c'est ça qui souille l'homme. Donc à l'intérieur de l'homme, donc, se trouve résident le foyer du péché, l'épicentre du péché se trouve à l'intérieur de l'homme. Dieu donc donne le commandement pour petit à petit leur montrer que vous avez des problèmes et vous avez besoin de solutions. Alors, écoutez très attentivement, je ne sais pas si je vais vite, parce que c'est l'un des points, les pans les plus glorieux de la Bible ici. Vous me suivez bien? Alors, l'apôtre Paul va expliquer cela dans le livre des Galates, expliquant le passage de la loi à la grâce, de la loi à la foi. Il va dire que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Donc la loi était là pour nous donner les limites. Les limites étaient indiquées que ceci est coupable, ceci est coupable, ceci est coupable. Puis, quand la personne va se tourner maintenant vers Christ par la foi, il sera sauvé par la foi parce que personne ne pourra payer aucun prix du péché. Et c'est pour ça que ça doit être donné par grâce, par le moyen de la grâce. La Bible déclare dans Romains chapitre 9, chapitre 11, que Dieu a renfermé toute personne dans la désobéissance pour faire grâce à tous, pour faire miséricorde. C'est pour cela qu'il a fait. Il a fait comme ça pour que ça ne soit pas que quelqu'un ait travaillé sur quoi que ce soit pour pouvoir être sauvé. Donc toute personne était dans la désobéissance. Et Dieu donc fait miséricorde à qui il veut pour l'enlever de là. Amen. Continuons ici dans la lecture. Ici. Verset 12. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Écoutez, vous avez vu la tournure qui prend ici, n'est-ce pas? Verset 12. L'apôtre Paul dit que la loi est donc bon, saint, juste. Puis il dit, mais comment quelque chose qui est bon a été plutôt un objet de mort sur moi? Il veut dire que ce n'est pas la loi, que la loi était l'indicateur, que c'était le péché. Donc la loi indiquait le péché. Vous voyez, verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de moi, loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc, ce qui est bon est venu pour me montrer que gars, tu vis dans le péché, c'est grave sur toi. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Amen. Maintenant, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Soulignez cela, je vais parler. L'apôtre Paul dit ici que nous savons que la loi est spirituelle. Donc voici dans les êtres humains qui sont mixés. Nous sommes des êtres de chair dans lequel habite un être spirituel. Et c'est la partie spirituelle qui doit obéir à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est spirituelle, mais le spirituel est enveloppé dans le péché. Mais c'est quand même terrible. Nous sommes enfermés par le corps qui désire ce qui est extérieur. Nous sommes beaucoup plus influencés par l'extérieur, c'est-à-dire que par les désirs, les convoitises que nous avons devant de nous. Or, la partie de l'homme qui désire accepter la parole de Dieu se trouve à l'intérieur, fermée par cette chair-ci. Je ne sais pas si vous me suivez. Et la Bible nous déclare ici qu'en réalité, le vrai problème, c'est que la loi est spirituelle. Donc, vous ne pouvez pas respecter la loi tant que vous vivez dans la chair. Voici donc pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Il dit, la chair est faible, l'esprit est disposé. Donc, par la foi, tous ceux qui sont en Christ obéissent directement à la loi parce qu'ils vivent selon l'esprit. Et s'ils vivent selon l'esprit, l'esprit te conduit à vivre d'après Dieu. Et par conséquent, tu n'es plus redevable à la chair. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ça va. Vous me suivez, mes frères? Très bien. Je ne vois pas les autres là. Ils sont où? Bon, je continue. De toute façon, c'est la vérité de la Bible. Si vous ne suivez pas, vous allez le suivre, ça vous allez assimiler. Parce que c'est ce qui est écrit de toute façon. Alors, la Bible déclare donc que c'est pas que la loi était mauvaise. La loi était bonne, mais tout simplement pour pousser les gens à comprendre que leur nature est un problème. Leur nature est enveloppée par quelque chose qui est souillé et qui aime se souiller. C'est que les gens des doctrines des apôtres disent qu'il faut satisfaire la chair, il faut pécher. Bon, maintenant, écoutons. Verset 15. Je vais encore lire le verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Je vais vous souligner, la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Voilà le problème. Donc, quelqu'un de charnel veut obéir à quelque chose de spirituel. Ce n'est pas possible. Il dit, la Bible déclare donc que tu es vendu au péché. Vous voyez, voici pourquoi il a fallu que Christ opère quelque chose à l'intérieur. Nous donne cette nouvelle vie-là pour que nous puissions dominer sur la chair. Si ce n'est pas comme ça, vous mentez. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Voilà l'être humain sur la terre qui tape sa portée chaque fois. Il dit que je fais ce que je fais. La Bible déclare, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Vous voyez quelqu'un le soir, il se masturbe, après il baisse la tête et dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui me prend. En fait, c'est ça. Je ne sais pas ce qui me prend. Seigneur, il avait déjà dit qu'il ne fume plus la cigarette. Qu'est-ce qui me fait fumer la cigarette? Je ne sais pas ce qui me prend. Tu ne sais pas ce qui me prend. Il y a un gars noir qui habite en toi, l'appelle le péché. C'est lui dont c'est les questions. Maintenant, verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui... Qui fait quoi? Qui habite en moi. Voilà donc pourquoi la loi était là. La loi était là pour montrer que dans l'homme se trouve le péché habitant. Et le péché donc ici, c'est un être qui te pousse à faire des choses. Le vrai problème, c'est que c'est ton empreinte qu'on va voir. Lui, on ne le voit pas. Quand on te pousse, quand vous voyez quelqu'un, il prend le couteau, vous entendez en Amérique, un enfant a pris l'arme, il a tiré sur ses compagnons à l'école. Il dit qu'il a suivi dans Rock'n'Roll, un esprit lui a dit, tue-les tous. Après, il se tourne l'arme sur lui, il fait poum, il tombe. Vous voyez effectivement quelque chose ne va pas. Il a été contrôlé par un esprit. Les blancs ont trouvé le nom que c'est un psychopathe. Il était parano. Et la Bible appelle ça démon. Quelqu'un dit démon. Démon. Voilà. Donc ce sont les esprits. Le fait que la chair ne peut pas appréhender cela, on essaie de trouver des traces pathologiques, les raisons scientifiques à cela. Il n'y a pas de raisons scientifiques aux traces démoniaques. C'est la Bible qui les trace. La Bible est le seul scanner des démons. On ne peut pas les rencontrer avec les scientifiques. Aucun appareil ne peut détecter les œuvres. Vous suivez? Donc la Bible déclare ici que je suis charnel vendu au péché. La Bible déclare que le péché est un être spirituel qui habite où? Dans notre cœur. Donc voilà, c'est lui qui agit. Amen. Amen. Continuons ici. Verset 17 maintenant. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je veux que vous compreniez que la loi a été donnée parce que le péché habitait. Mais Dieu voulait comme ça indiquer à un homme que voilà le péché qui est à l'intérieur de toi. Maintenant, quel est le but de Dieu de donner le péché, de donner le, la loi pour, alors, maintenant, lorsque l'homme réalise que oui, ah, je suis maintenant conscient que le péché habite en moi, l'homme devait voir effectivement que la bagarre est vaine derrière cela. C'est juste pour, c'est juste pour Dieu voulait conduire l'homme. Si un homme arrive à ce point-ci, il va chercher le sauveur. C'est pour cela que quand je vous dis que quand vous voyez quelqu'un qui boit l'alcool ou bien qui fume la cigarette, ne lui dites pas qu'arrête la cigarette parce qu'il n'a pas la propriété pour arrêter la cigarette. Parce que la Bible dit déclare ici que je fais ce que je ne veux pas. Quand vous voyez quelqu'un se lève à minuit, il dit, il court, il parcourt des kilomètres pour, au risque de sa vie qu'on puisse l'agresser pour aller acheter la cigarette de 25 francs. Quand il fume, il fait, ah, il dit, je ne préfère pas manger, mais je peux manger, fumer mes deux bâtons de cigarette par jour. Mais si je parviens à fumer, même s'il mange pas, ça ne me dérange pas. Il est possédé. Mais il ne connaît pas. Quand il fait, il sent la satisfaction. Il croit que c'est lui qui est satisfait. Il allait satisfaire quelqu'un qui est à l'intérieur. Mais le problème, c'est que cette personne-là se couche dans son être au point où il croit que c'est lui dont il a été satisfait. Si cette tête-là est enlevée, vous mettez la cigarette devant lui, même s'il dort là-bas, il ne touche plus. Parce que la personne qui désire la cigarette est partie. C'est pas ce que vous comprenez. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un en train de vivre dans le péché, vous dites que arrête de pécher, il n'a pas le pouvoir. Il faut que la grâce vienne vers lui pour qu'il regarde la boue dans laquelle il se trouve. Il cherche le sauveur. Voilà pourquoi je vous dis, quoi que la semaine dernière, nous avons parlé de la nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance, où on fait que les gens répètent. Vous répétez ça, ça ne changera rien. Quand vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-ci, où vous voyez que votre vie ne vaut rien dans ce monde-ci, et que vous dites que qu'est-ce que je dois faire, c'est à ce moment-là, toute personne qui a assisté à la vraie nouvelle naissance est arrivée à ce point-ci, le point où vous voyez effectivement que vous êtes souillé. À cet instant-là, se produit un déclic où le sauveur vient vers vous. Je vais vous parler sur cette thèse avant de quitter, je vous le dis. Je vais vous parler. Vous allez dans des campagnes, dans les endroits où on dit que oh, si tu as péché, demande pardon à Dieu. Vous voyez quelqu'un, il avait le portable, il faisait que Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Il a manipulé le portable. Il dit Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Tu sais que la chair est faible. C'est toi qui as dit ça dans la Bible que la chair est faible. Il dit c'est qu'elle marque le téléphone ici. Donc, voici un être humain qui a de vouloir résoudre le péché et il parle de cette façon-ci. Son corps est enfermé dans le péché avec son cœur. Son cœur n'a pas été touché. Quand le cœur est touché, vous ne voulez plus vous lever. Vous avez honte, vous avez comme impression que votre vie est exposée à l'œil nu. Parce que vous voyez la nudité et la vanité de votre vie. À cet instant-ci, frère, se produit la véritable conversion. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Ça, c'est clair. Il fallait le dire, ça restait dans une doctrine de doctrine. Il fallait le dire, ça va. Il dit, je vais vous dire la vérité sur cette terre-ci. Le moment où vous allez rencontrer le sauveur véritablement, où votre âme est délivrée, quand vous entendez que mon âme est délivrée, votre âme est délivrée de quoi? De l'emprise du péché. Amen. L'âme doit être délivrée de l'emprise du péché parce que le péché habitant dans l'âme produit dans votre âme toutes sortes de convoitises. Et cette convoitise se manifeste dans votre chair. Vous entendez quelqu'un dire, vous dites, wow, tu aimes la nana, tu entends quelqu'un dire, j'adore. Il adore la nana. Que tu vois les yeux de la fille, elle dit, j'adore tes yeux. Donc il se tourne à gauche, il adore les yeux. Il adore la poule. Il adore n'importe quoi, c'est normal. Parce que son âme n'a pas de sens pour Dieu. Alors lorsque l'âme de quelqu'un est touchée, je veux que vous preniez le temps, quand vous aimez les psaumes. Lisez les psaumes et voyez quand David est prosterné devant Dieu. C'est son âme qui parle. Il parle depuis la profondeur de son âme. Il ne bavarde pas. Il dit, mon âme est dans l'angoisse. Regardez le cas de 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Le cas de, comment ça s'appelle? Cette femme qui était stérile là. Anne. Regardez jusqu'à où elle a versé l'amertume qui était dans l'âme. Regardez. Quand c'est à cette étape là, c'est le moment du déclic. Si ce n'est pas à cette étape là, c'est encore superficiel. Ça veut dire qu'on a fait les récitatives de la repentance. Que dans tes péchés, Seigneur, j'ai forniqué tel jour avec tel homme. J'ai forniqué. Vous citez le péché seulement. Vous n'êtes pas encore arrivé à la repentance. Quand la repentance vous est accordée, vous ne direz pas comme ça. Vous souhaiterez seulement disparaître de la circulation. Je vous le dis. Je vais vous parler. C'est pour cela que quand vous repentez, vous regardez. C'est écrit ici. Si vous pouvez seulement me donner le temps de prêcher. La Bible déclare dans Romains chapitre 6 que vous avez donné là-bas. Il dit que, okay, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous avez livré vos membres au service de l'injustice. Quel fruit portiez-vous donc? Il pose la question, quel fruit portiez-vous donc? Les choses, maintenant, quand vous regardez maintenant, vous avez honte. Si, c'est pas, il n'y a pas la honte, mais ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui continuent à jouer avec la vie du mondaine. comme ces gens de doctrine, les apôtres, on le dit, ils continuent à jouer, il n'y a pas de trace, de ligne de séparation. Et ma Bible déclare dans Romains, dans Hébreux chapitre 10, je vous ai donné ça aujourd'hui, j'ai dit, vous écrivez Hébreux chapitre 10, j'ai dit ça, j'ai dit Hébreux chapitre 7, chapitre 10, chapitre 12, voilà. Maintenant, regardez le chapitre 10, regardez ce qui la Bible déclare là-bas, à partir du verset 22, qu'il est, il dit, sous la loi de Moïse, une personne meurt sous la déclaration de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment penserez-vous sera jugé digne celui qui aura outragé l'esprit de grâce et qui aura foulé au pied le fils de Dieu? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Notre Dieu aussi est un feu dévorant. Il dit car si nous péchons volontairement, Donc maintenant, remarquez très exactement ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Il dit car si nous péchons volontairement, après avoir été délivrés de ce péché-ci, il ne reste plus pour nous du sacrifice pour le péché. Parce que maintenant, Dieu nous a donné quelque chose à activer notre volonté pour que nous puissions combattre maintenant. Nous puissions nous désoustraire du péché. Et dit, si on part maintenant, c'est livré. La Bible nous explique que, ayant été esclave du péché, Christ nous a affranchis. Il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchit. C'est ça dont il parle. Il ne dit pas que vous allez connaître des versets bibliques, vous serez affranchis. Non. Il parle du péché. Que lorsque vous allez connaître Christ véritablement, il vous affranchit du péché. C'est-à-dire qu'il vous enlève du camp du péché au camp de la lumière. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13, je ne sais pas si je vais vite. Donnez-moi le temps de prêcher aujourd'hui. Dans ce Colossiens chapitre 1, il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. En lui, nous avons été quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez, c'est encore ça la notion dont l'apôtre Paul parle. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc si cette opération a été opérée dans ton âme, tu peux te tenir là à distance, tu dis, je ne suis plus pécheur. C'est pour ça que c'est difficile aux chrétiens d'aujourd'hui de dire que je ne pêche plus. Parce qu'en réalité, ils sont encore compromettants. Ils vont dire que, vous entendez même un chrétien, il dit que non, il n'y a nul de, il n'y a pas de saint sur la terre. Attends, mon frère. Hier, ils nous ont dit ici que c'est la première fois, et ils tournent partout dans le monde entier, c'est la première fois que tu Attends, mon frère. Frère Marcelin et Bumbu, je crois qu'il doit devant l'esprit là. Fermez-moi là. Oui, vas-y, parle, mon frère. Il nous disait ici que hier, ils ont tourné partout. La première fois qu'ils vont entendre que des chrétiens vont leur dire qu'ils sont saints, qu'ils ne pêchent pas. Mais tu n'as pas quand même dit gloire à Dieu. C'était avec des dérives. C'est-à-dire qu'ils se moquaient de nous en disant que j'ai ricané là. Parce que c'est impossible de voir aujourd'hui une personne qui vit dans une chair qui est là et qui est née, qui ne ment plus. C'est impossible pour eux. Qu'ils vont monter dans le métro un peu imprès, il faut voler tout cela. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Donc c'est un peu ça. Tu as dit que le nom de ce monsieur s'appelle comment encore déjà hein? Non. Lui s'appelle Boka, le frère Boka. C'est pas mon frère même du tout. Boka. Donc tu as dit frère d'abord avant de te rendre compte. Ou effectivement que pas tous ceux qui appellent Bible, arrêtent la Bible ne frère, n'est-ce pas? Oui. Je crois que le frère Trabi est courroucé. Vous allez rencontrer les cas et les cas sur cette terre-ci. Je vous le dis. Alors, ce sont des tests pour que vous pouvez voir jusqu'à quel niveau vous tenez ferme à la parole. Et souvenez-vous encore ce qu'il dit dès le départ, c'est que les hérésies vont sortir de la Bible. La Bible déclare dans Colossiens chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il dit que Paul est sorcier à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui sont saints. Il les appelle les saints à Corinthe, ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints. Donc, de toute façon, c'est même pas le sujet. Donc, dans le livre de Hébreux chapitre 10, la Bible nous dit que sous la loi de Moïse, les gens meurent sous la déclaration de deux de trois témoins. Ça veut dire que quoi? Quand on était dans l'Ancien Testament, si on t'accusait de quelque chose, il fallait qu'il y ait un péché, parce que la loi était là pour juger cela. Qu'est-ce qu'on faisait? On prend deux personnes. Deux personnes doivent venir témoigner contre toi qu'on l'a vu faire telle chose. Si c'est vrai, on te lapide. On dit que si c'est deux personnes qui viennent lapider, imaginez donc la loi du Fils de Dieu, que l'Esprit de grâce est venu et vous outragez cela. La Bible déclare que nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit notre Dieu aussi un feu dévorant. C'est ce qui est écrit. On peut continuer, frère. Voilà. Donc, dans ces romans, rentrons dans le livre de Romains là. C'est merveilleux seulement. Donc, souvenez-vous de ceci. La loi de Dieu est donnée initialement pour montrer aux êtres humains que vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez des problèmes dans votre corps. Quelque chose habite dans votre corps. Même si un enfant naît dans un champ où il n'y a pas de bruit de musique du monde, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de trucs, il grandit, vous allez voir effectivement un de ces jeunes va commencer à aller embrasser plutôt l'arbre. Vous direz comment il a fait pour voir cela, ça se trouve en lui. Le péché qui est là-bas peut produire n'importe quel style de métamorphose. Si vous n'avez pas compris comment quelqu'un, un berger, peul qui se trouve au nord, commence à coucher avec ses brebis. Qu'est-ce qui lui vient à l'esprit qui commence à faire cela? Je crois que c'est bien là. Alors, si vous avez moi, on continue. Je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que si vous rencontrez votre âme monte jusqu'au niveau où vous avez de l'amertume à l'intérieur et que vous voyez effectivement l'ignominie de chaque faute que vous prêchez, que vous avez devant le Seigneur, quand ça va arriver à ce point-là, à ce point, se produit la véritable conversion. Quand cette conversion se passe, vous savez que vous êtes libre, vous savez que vous êtes délivré. Vous pouvez crier Alléluia, pas Alléluia, quand on dit Alléluia parce qu'on a de chanter Alléluia. Non. Ce n'est pas ce dont je vais parler. Je ne sais pas si quelqu'un a expliqué ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est le moment donné, le Saint-Esprit vient sur toi et que tu sens que tu es sale, tu cherches à savoir comment tu vas avoir. Lorsque ça te fait, ça se passe ainsi. Le Saint-Esprit parcourt ton corps, tout son nom comme l'électricité. Quand ça parcourt son corps, tu sais que le poids de ton péché a été ôté. Tu sais tout simplement. Là, personne ne peut plus rien dire. À cet instant, vous pouvez vous envoler. Vous pouvez vous envoler. L'amour vous envahit. J'espère que vous comprenez. Père, faites-le assimiler cela. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc, on dit, non, la conversion, c'est que tu viens, tu dis tout ce que tu as fait. Quand tu dis tout ce que tu as fait, tu es converti. Vous parlez. C'est la conversion là-bas. Ah, continuons ici, continuons. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous sommes dans Romains chapitre 7, le verset 20 maintenant. Ah, c'est terrible. Non, je crois que j'ai dû sauter. Hein. Il va encore reprendre à partir du verset 18. Il va reprendre à partir du verset 18 là. Ce qui est bon. Verset 14, frère. Verset 14 encore, ma soeur. Tu étais allé voir ton mari. On s'est arrêté au verset 14. Tu parles. On était au verset 17 et je demandais qu'on souligne le péché qui habite en moi. C'est ça, non? Amen. Voilà. Verset 18 maintenant. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Vous avez vu cela, non? C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Si les gens pouvaient comprendre cette vérité-ci. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Donc, à l'intérieur, tu veux faire quelque chose de bien. Mais lorsque ça touche dans le domaine de ta chair, tu changes d'avis. Pas que c'est toi qui fais, mais parce qu'il y a un être à l'intérieur de toi. Maintenant, continuons. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est pour cela que l'être humain est beaucoup plus porté vers le mal. On veut détruire le sang, son semblable. Quand tu réussis, on lui dit merci Seigneur pour ces frères-ci. On veut toujours avoir la jalousie. C'est naturel parce que c'est la chair comme ça. Verset 20 maintenant. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le voilà. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Donc, l'être humain a une loi écrite dans son corps. Voilà pourquoi la seule chose qui peut contrarier une loi ou combattre une loi, c'est une loi. Je veux donc qu'on assimile ça. Dans le tribunal, lorsqu'on énonce des auditions et qu'il y a un coupable ou un innocent ou bien un accusé, c'est la suite des agencements des lois et des preuves qui seront là. C'est une loi qu'un accusé doit, que son avocat doit sortir contre une loi. Et c'est en vertu de cela qu'on va faire la comparaison, le jugement et l'acquitté ou bien le condamné. C'est en vertu d'une loi qu'on condamne quelqu'un. On dit d'après article tel, tu as été pris en infraction. Cet article-là stipule que tu as besoin, on doit te condamner pour tel nombre d'années. Vous comprenez cela, frère? La Bible dit ici que dans l'être humain se trouve une loi. On a mis deux points, on va citer la loi. Et cette loi-là, vous montez, vous descendez, vous avez ça en vous, en tant qu'être humain. Maintenant, qu'est-ce que la loi? Verset 21 là, je trouve donc en moi cette loi. Deux points. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc tout le bien que l'être humain puisse faire est attaché. par le mal. Voilà la loi. Vous ne pouvez pas vous soustraire de cette loi-là. Tout le bien. C'est pour cela donc que vous faites n'importe quelle œuvre caritative. Si vous n'avez pas d'abord la foi en Jésus-Christ, ça ne te sert à rien. Parce que c'est entaché du sang. Vos mains sont sur le sang. Vos bouches pour faire le mensonge. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont les mauvaises pensées. Donc, pendant que tu vas faire le voir, tout ce que tu vas toucher, ça a tes mauvaises pensées, ça a tes empreintes. Si tu as déjà dit mouf à quelqu'un, tout ce que tu as donné maintenant a les moufs sur ça, grave seulement. Donc, la loi, c'est quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà la loi. Ça, c'est une belle loi, n'est-ce pas, frère? Qui ne veut pas de cette loi? Vous n'avez pas le choix, c'est en vous donc. Donc, maintenant, pour que cette loi s'équipe, il faut une loi. C'est une autre loi, un décret doit sortir. Amen. Amen. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Soulignez le mot intérieur. Je crois que lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, la dernière fois, je vous ai parlé de cette chose-ci. Voilà, l'eau, voilà. Si ce n'est pas transformé, lui, il n'est pas transformé, catapulté au-dessus des vies pour qu'il puisse vivre selon la chair, vous mentez. Il est enchaîné là-dedans. Maintenant, verset 23. Mais je vois, regardez, le verset 23, c'est la suite du verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, dans les membres des êtres humains, il se trouve la loi du péché. Donc, qui est un être humain? Qui est un être humain? Amen. Amen, ça veut dire quoi? Qui est un être humain? Non. Tu as la loi du péché. C'est ce qu'il dit. On dit de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, si tu es un être humain, tu as les lois du péché dans ton membre. Maintenant, les psychologues, les psychanalystes ont dit qu'un être humain est un potentiel criminel. Quand ils définissent cela, c'est parce que quelqu'un, ils ont constaté que quelqu'un qui était calme, de toute façon, la majorité des gens qui ont eu à commettre des bombes, des attentats terroristes, vous voyez que même les parents de ces mêmes enfants étaient surpris de sa réaction. On dit que cet enfant était ici, il était calme, il saluait tout le monde. On est surpris de la façon dont il est. C'est une bombe à retardement. L'être humain qui n'est pas originaire en Christ, c'est une bombe à retardement. Il peut faire tout. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi il peut se lever, il prend la bombe. Pour eux, c'est encore un autre domaine là-bas. Un être humain peut se lever aujourd'hui. Il couche avec la femme de cul. Un père peut se lever aujourd'hui, il couche avec son propre enfant qu'il a grandi. C'est quand même, imaginez, ça ne passe même pas par la tête en y réfléchissant. Mais il le fait quand même. Un être humain, il fait ça à son enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne pouvez pas le condamner. Pendant qu'il va faire comme ça, vous allez apprendre que le père, c'est un pédophile. Celui qui l'arrête comme ça en tant que policier, lui fait la corruption. Qu'est-ce qui va? Lui, il est captif de la corruption, celui-là est captif de la pédophilie. Les deux sont coupables. Mais l'un des coupables en amène l'autre coupable a été jugé coupable. Il arrive là-bas, le juge qui va faire la sentence, lui couche avec les femmes de quelqu'un au quartier. Lui, il est coupable d'adultère. Donc, voilà les trois coupables. L'un en train d'arrêter, l'autre pour aller avancer, pour le livrer, et l'autre prononce le jugement, lui, il est coupable. Tous sont coupables. Et ma Bible déclare donc que tous sont coupables et sont privés de la gloire de Dieu à cause de cette loi-là. Prenez la série comme ça, vous allez prendre que chacun, lorsque tu accuses quelqu'un comme ça, il y a des accusations contre toi. Quand tu vas dire à quelqu'un, ouh, il est homosexuel, quand tu vis la fornication, celui qui condamne l'homosexuel ne condamne pas la fornication. Dis à ton voisin la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà. Il peut continuer. Amen. Donc, il y a une loi dans nos membres, dans ta main que tu vois là. Un de ces jours, tu ne peux pas le couteau toi-même, tu mets dans tes. Frère, je suis bon arrivé. Tu peux prendre le couteau toi-même comme ça, un de ces jours, tu mets dans ton ventre, tu déchires. Tu dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous comprenez? Je vais vous raconter une petite anecdote. Au Nigeria, à Kaduna, il y a un monsieur qui. Il était. Cette chose, je suis en train de vous raconter ça avant que ces choses arrivent. Il était. Je crois qu'il y a des enfants ici, il veut parler en langage des grands. Il avait l'esprit de fornication au point où il allait de part et d'autre. On l'a attrapé un de ces jours comme ça, il était sur un de ses petites filles, une de ses petites filles. Il s'est fâché lui-même, il a pris le couteau à côté des gens, il a coupé ces choses-là. Il dit que c'est ça qui le dérange. Vous voyez, il fallait maintenant résoudre le problème des flux sanguins qui coulaient maintenant. Il a cru qu'en coupant, ça résout le problème. Parce qu'il croit que c'est pas ça qui dérange. Quelque chose se trouve en lui. Quand tu coupes comme ça, tu ne coupes pas pour celui qui est dedans. C'est toi qui comprends sur ton corps. Vous comprenez cela? Donc, quand il dit, ouais, je ne sais pas ce qui me prend chaque fois. Il ne sait pas. La Bible révèle la nature de l'homme. C'est la Bible qui met en évidence le pourquoi de l'homme. Le pourquoi on a été créé. Ce qui ne va pas avec l'homme. C'est la Bible. Quand la Bible finit de détailler cela, il dit, tu as besoin d'un sauveur. Et maintenant, dans la Bible que je vous ai donnée, dans le livre de Luc au chapitre 1, je vous ai donné les versets 64 et suivants. Gardez le doigt ici, on va y lire. Remarquez encore cela. Luc. Livre de Luc. Nous nous trouvons aux soirées où l'enfant Jean-Baptiste a été né et on cherchait le nom. Puis soudainement, on discutait. Elisabeth a dit que son nom sera Jean. Puis on a dit qu'il n'y a pas de Jean dans ta parenté. D'où est-ce que ce nom Jean-là vient? On a dit, ok, dans ce cas, appelez son père et demandons-lui. Il lui a demandé une table de pierre. On lui a demandé quel sera son nom. Il dit, Jean sera son nom. La Bible déclare, parce que c'est verset 64, que subitement sa bouche se délie. Suivons maintenant ce qu'il va dire. Je veux que vous gardiez ceci à l'esprit, parce que c'est le tout de la Bible là. Je vous ai dit, toute la Bible parle de la sainteté et de la sanctification. Vous y êtes? Verset 64, donc, ça. Verset 64, sa bouche va se délier. Donc, nous allons lire verset 64 jusqu'au verset 76. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Amen. Souligné puissant sauveur. Le prophète. Ici, l'esprit du prophète vient sur lui. Il ne prophétise pas sur Jean-Baptiste, il prophétise sur Jésus. Vous avez remarqué? Amen. Ça, c'est son fils qui est né, mais il avait parlé du sauveur Jésus. Maintenant, il dit de ce qu'il a, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 61. Quel style de sauveur? Il répond, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Écoutez bien, verset 74, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, après cette délivrance-là, qu'est-ce qui va se passer? De le servir sans crainte, virgule, en marchant devant lui dans la chair, dans la fornication et... dans la sainteté, dans la justice. Donc, après qu'on est délivré, tous les jours de notre vie, on doit marcher dans la chair et un peu de péché, de mensonge. Voilà pourquoi il est venu puissant sauveur, n'est-ce pas, frère? Non. Comment vous nous dites non? La doctrine des apôtres dit que c'est pour cela. Donc, la Bible nous dit que le puissant sauveur, d'après l'alliance que Dieu avait fait à notre Père, c'était que lorsqu'il l'aura délivré, c'est-à-dire qu'il aura payé le prix du péché, lorsqu'il aura fait cette œuvre de délivrance qui nous dérange, après cela, nous devons marcher devant Dieu sans crainte, dans une sainteté et une justice, n'est-ce pas, frère? Amen. Dans le but, quand Jésus est venu, le thème, c'est la sanctification. Amen. Vous avez moi? Amen. Après la délivrance du péché par la croix, vient l'œuvre de la sanctification. Vient la prédication de la sainteté. N'a-t-il pas dit, je vous donne également cela, n'a-t-il pas dit dans le livre de Romains, dans le livre de Hébreux, ça c'est Éphésiens, chapitre 5, que Christ vient présenter, il va présenter une église avec des quelques taches de fornication. Sans tache ni ride. Dans l'église des doctrines des apôtres.fr a des taches, des graves seulement. Dans leurs vêtements, ils se sont déchirés. Apocalypse chapitre 19, verset 6 dit, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Le fin lin éclatant pur sont les œuvres sales des saints. Non. On peut avancer, frère. Donc, nous voyons effectivement dans ce Luc que la prophétie était donnée, que dans le serment que Dieu avait fait à nos pères, aux ancêtres, que lorsque Christ serait venu à cet autre, à l'instant où il va venir pour délivrer les hommes du péché, après cet instant-là, les êtres humains pourront le servir dans la sainteté. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, frère? Voilà. On avance maintenant, rentrons dans le livre des Romains. Et finissons-en là-bas. verset 23, verset 24. Misérable que je suis. Voilà l'état de toute personne qui a la loi du péché dans ses membres. Misérable que je suis. Souvenez-vous, nous sommes rentrés dans le livre de Romains chapitre 7, nous sommes au verset 24. Nous sommes en train de traiter pour résoudre le problème de tout chrétien qui se trouve dans le monde entier et qui croirait et qui ayant déjà écouté la doctrine de ces gens-là qui parcourent ciel et terre, mais était pour amener les gens captifs pour qu'ils rentrent dans la chair. Sinon, nous avons commencé par le verset 13 de Galates chapitre 5 qui dit « Christ nous a affranchis pour la liberté, mais qu'on ne prenne pas cette liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair. » C'est la base qui nous a été donnée. Amen. Donc l'apôtre Paul écrit ici avec cette tête-là, alors que Dieu a frappé le poids de l'être humain sur son corps afin qu'il puisse comprendre le pourquoi de l'évangile et le pourquoi de la loi. Quand Dieu a porté le poids des hommes frappé dans son corps pour qu'il puisse comprendre cela afin de pouvoir mieux exprimer ce que l'être humain reprend, il est arrivé au point où c'était tellement fort sur lui, il a dit « Misérable qui je suis !» Il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc un être humain qui vit avec la veste sur lui, bien taillée, c'est un mort vivant. Il dit « Misérable qui je suis !» Qui me délivrera du corps de cette mort. Puis il dit verset 25, regardez bien là où la révélation se trouve. Il dit quoi, frère? Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Remarquez la façon que la phrase est finie au milieu. Il y a un point d'exclamation. Donc il a vu là où se trouve la solution. Et c'est ici donc que tout être humain qui arrive à cette étape-là doit comprendre. Parce qu'il n'y a pas deux personnes. Vous pouvez discuter les idées sur Mohamed et sur Jésus. Vous pouvez discuter sur Confucius, sur Dalai Lama, sur le pape et quoi que ce soit. Lorsque vous allez aboutir au niveau du péché, deux personnes se présenteront pour être devant vous comme le sauveur. Vous pouvez discuter des avis des autres, avaient dit telle chose que aime toi-même. Même Socrate avait dit ça que connaît toi-même. Vous pouvez discuter cela. La discussion morale et intellectuelle n'amène pas la sanctification. La discussion et la connaissance de la philosophie des hommes n'amène pas la résolution des problèmes internes de l'homme. Parce qu'aucune de ces choses ne peut vous donner cette paix perpétuelle que Christ donne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et nous, vous pouvez discuter sur la religion comparative, disant que Mohamed a aussi fait des bonnes œuvres. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Je recommence encore. Écoutez très attentivement. Même si vous êtes sataniste, quand vous êtes en danger de mort, vous n'appelez pas Satan, c'est Dieu que vous appelez, pas vrai? Vous avez entendu un marabout. Marabout dit, marabout est dans la voiture. Ça fait oh oh. Tu entends le marabout dire Jesus. Le marabout. Il dit Jesus. Parce que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Amen. Alors je recommence ce que j'en ai dit. L'apôtre Paul arrive au climax même de la soif de la délivrance. Il arrive là-bas. Il dit qui me délivrera de ce corps de mort. Il a déjà cherché la solution. Après, il se tourne, quelque chose lui a été présenté. Quelque chose lui a été présenté dans la vision. Quand il a vu, il dit, grâce soit rendue à Dieu par le Seigneur Jésus. Regardez bien. Quand il a dit cela, ça montre qu'il a vu la solution. Donc, toute personne qui arrive à l'état de la nécessité d'être délivrée du péché se trouve là-bas à la croix. Vous tournez à la croix, vous comprenez que quelque chose a été fait. L'apôtre Paul a cette vision si longtemps après que Christ soit allé à la croix et être ressuscité et monté au ciel. Mais il voit la chose que la solution a été donnée à la croix. Maintenant, vous remarquez donc que lorsqu'il va finir ce chapitre-ci, il tombe directement. Le langage change dans le chapitre 8 de Romains. C'est pour ça que je vous ai donné chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. J'ai touché le chapitre 7 particulièrement parce que c'est le problème humain là-bas. On va revenir au chapitre 6 en arrière pour que vous voyez ce qui a été fait. Au chapitre 8 maintenant, la révélation se trouve là-bas. Maintenant, vous y êtes là-bas. Frère Trabi. Oui, super. Romains chapitre 8, verset 1, je veux que tu me lises là jusqu'au verset 5. Ok. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu l'a condamné, Dieu a condamné le péché dans la chair en voyant à cause du péché, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc si un être humain lit ceci, il ne comprend pas, c'est qu'il ne comprendra plus jamais la Bible. Je vous le dis. Donc nous voyons, nous sommes sortis dans le livre de Romains chapitre 7, comment la loi a indiqué que l'être humain avait des problèmes, n'est-ce pas? Nous avons compris effectivement qu'il y avait une loi dans l'être humain. Et là, nous avons compris qu'il faut une loi pour combattre cette loi-là. Là, le chapitre 8, verset 1 commence par « Il n'y a donc plus maintenant », après qu'il ait vu la solution. Quand il a vu la solution au chapitre 7, verset 24, il dit « Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Souvenez-vous, la phrase ne se termine pas là-bas. Vous devez voir, pour ceux qui ont la version, vous avez remarqué que ça continue en disant « Pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais d'après l'esprit ». Ils ne vivent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc la phrase du chapitre 1, chapitre 8, verset 1 continue en disant, c'est pour ceux. Donc la condamnation n'est plus pour tout le monde. C'est pour ceux qui ne marchent plus d'après la chair, mais d'après l'esprit. Donc ceux qui sont en Jésus, effectivement, ont été unis en lui par son esprit. Et par conséquent, marchent d'après l'esprit, non selon la chair. Donc même ces versets condamnent tous ces groupes-là. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ne marchent plus selon la chair. Or les œuvres qu'eux, ils vivent, sont les œuvres de la chair. Ce sera maintenant le thème, maintenant, le chapitre 8. Le fait donc que, comme il n'y a plus de condamnation, la vie de la chair n'est plus notre panache. Vous voyez? Maintenant, puis il dit quelque chose là maintenant. Il dit car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la solution par rapport à la loi du péché était la loi de l'esprit. Il y a de quoi maintenant, je peux courir maintenant, sauter le balcon là maintenant, je vous le dis. Il y a de quoi, je peux courir maintenant, je saute le balcon. Il me sent vraiment bien là maintenant. Vous permettez qu'il saute un peu, non? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Vous avez encore vu le mot, n'est-ce pas? Souligner le mot affranchi. On a vu cela dans le chapitre 7, où il s'est exclamé, qui me délivrera de ce corps de mort. Là-bas en haut, il a parlé d'affranchi. Au chapitre 7 qu'on a vu tout à l'heure, il a demandé de souligner. Ah! Miséricorde des miséricordes. Ce jour-là, quand l'opération a eu lieu, vous chantez miséricorde insondable. Attendez que ça vous touche vraiment là. Vous chantez les miséricordes sans que personne ne vous dise. Vous allez chanter même ça en la mineur. Oh! Je recommence encore. Il dit car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, voici une loi, m'a affranchi. Donc, qu'est-ce qui a affranchi du péché? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est quoi donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Ça, c'est un terme de la Bible, c'est pas vrai, frère? Ça, c'est quoi la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Or, la Bible déclare que Dieu a condamné, a envoyé son fils. Il a condamné le péché dans la chair. Il a envoyé son fils dans une chair semblant au nôtre pour pouvoir condamner le péché à l'intérieur. De telle sorte que quand il a fait comme ça, il a fait cela, afin que la justice là, de la vie là, s'accomplisse en nous. Miséricorde. Vous comprenez pourquoi le monde ne peut pas comprendre ces choses faciles que Dieu a faites, n'est-ce pas? Donc, Christ a pris la place du péché. Voilà pourquoi la Bible nous explique au chapitre 6 que si nous sommes devenus une même plante dans la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Au verset 11 du chapitre 6, il dit, vous de même, regardez-vous même comme mort. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous êtes derrière au chapitre 6 là. C'est que c'est tellement bon que ceux-ci sont partis où là? L'enseignement est bon comme ça, votre connaissance coupe là, c'était terrible. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à la croix? Je vais recommencer parce que je crois qu'il faut que ceci là. Vous êtes content, frère? Ne soyez pas content, il y a quelque chose de beau ici à l'intérieur, je vous le dis. Je peux traverser ce mur sans toucher le mur là maintenant. Quelque chose doit toucher ton âme. Quelque chose doit toucher ton âme. L'âme doit être touchée. Il ne s'agit pas de camp. j'ai la chair de poule. Oh, la chair de poule, c'est sur la chair. Dieu a demandé la chair de poule, c'est sur la chair. Quand la poule a la chair, on brûle. On grille. Et on mange. Et le péché va te manger comme ça. Donc, c'est pas la chair de poule. Hey, Seigneur, hey, ça me touche. Les gens qui suivent les musiques mondiales font les mêmes choses là. Pas vrai? Ah, frère, lorsque l'âme est touchée, vous sentez cette légèreté. Vous savez, c'est comme vous aviez vous savez, quand vous portez un poids sur la tête et que subitement vous aide, on enlève. C'est un soulagement instantané que vous sentez. Vous sentez quelque chose s'est passé en vous. Permettez que ça connecte là, on les prend. C'est bon, ok là. Ne vous inquiétez pas, on va seulement voir le sujet là. Ne vous inquiétez pas, la soeur Carole. La soeur Carole disait que c'était à couper comme ça là. Tu intercédais comment? Tout le monde est déjà connecté? Amen. Oui, frère. On n'a même pas. J'ai pas vu que le wifi n'était pas branché, c'était passé au rouge, ça s'est éteint. On peut continuer? Ou bien continuer le suivant la prochaine fois? Non, on peut continuer. Non, frère, on continue. On est chaud comme ça. On va continuer à fermer aussi les micros pour que il n'y ait pas d'interférence. Non, pour le moment, c'est bon. Tout le monde est connecté déjà. Oui, oui. Frère, tu as habitué tout le monde. Sans bien. Une seule chaîne. Je crois que je vois les vidéos des gens qui tournent encore là. Si c'est bon, on continue parce qu'il faut qu'on voit ce sujet-ci. Vous voyez, le sujet dont on revoit être à travers avec la nouvelle naissance et ça a travers avec la conversion. Comme nous voyons la dernière fois quand nous étions réunis, ça a travers à voir. Ça montre que ceux qui ont expérimenté la véritable nouvelle naissance ne voudraient plus rentrer dans la vie du monde. Il n'y a pas de désir pour y rentrer. Le fait que ces groupes-ci commencent à dire et prêchent en tant que doctrine montre clairement qu'ils veulent entretenir la chair. Et il n'y a pas de vie d'entretien de la chair. La chair, la Bible, va plutôt au sens contraire dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 14, en disant qu'on ne donne pas soin à la chair pour en satisfaire le convoitise. C'est ce qui est écrit là-bas. Vous voyez? Donc, c'est terrible. Si vous êtes chaud maintenant, on continue. Alors, ça s'est coupé à l'endroit où j'ai dit, le Seigneur, la Bible déclare que, comme le péché était dans le monde, Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable au nôtre pour condamner le péché dans cette chair-là. Et cela, afin que la justice de la foi, de la loi, puisse être accomplie en nous. Parce que souvenons-nous, au chapitre 7 des Romains, il a dit que la loi était spirituelle. Et nous sommes charnels, vendus au péché. Il fallait quelqu'un de spirituel pour venir nous amener au niveau de la justice de Dieu. Alors, Christ est notre justice. Vous m'entendez bien? 2 Corinthiens, chapitre 6. Je crois que la séance dernière, je vous avais donné des passages sur lesquels vous devez méditer, on devait travailler. Et ça rejoint en quelque sorte, d'une certaine façon, dans un autre volet, ce volet-ci. Mais il y a quelqu'un ici qui voudrait vous dire bonjour, hein? Quelqu'un qui, si elle voudrait bien vous parler. Alors, j'espère que tout le monde me suit, vous toujours me suivez. 2 Corinthiens chapitre 6, on va lire le verset 9 à 11, je crois que vous avez donné ça aujourd'hui. Le verset 9 à 11, puis le verset 15 à 20. Regardez, je vais lire. La Bible déclare, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes... » Tout le monde y est ici. Vous y êtes, frère. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 et suivant. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» 1 Corinthiens, chapitre 6. Je vous ai donné ça aujourd'hui, non? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Verset 9 à 11. Je vous ai donné ça au départ, vous avez noté. Puis le verset 15 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens, vous avez noté ça aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. Puis le verset 15 à 20. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Souligné. N'hériteront le royaume de Dieu. Voilà, on continue. Et c'est ce verset-là après. Oui, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ce qui est écrit là-bas. On dit que il y avait les homosexuels parmi les efféminés, les injustes et autres là-bas. Que ce groupe-là, les personnes qui vivaient comme ça ont été justifiées. C'est pour cela que je dis chaque fois qu'il y a les enfants de Dieu, plus dans tous les groupes. Mais Dieu les prend, il les tamise, il les nettoie, il les rend maintenant les hommes purs. Vous me suivez? Tous les acteurs de la Bible, vous pouvez les voir et voir ce style de vie. Le frère Milchi et Gigi, vous êtes là? Je ne sais pas si le micro est ouvert, c'est parce que la vidéo tourne. Je ne veux pas que quelqu'un perde ceci. La soeur Suzanne Claudon, le frère Stéphane, le frère Béguenic, je ne sais pas pourquoi votre vidéo ne donne pas. Ok. Donc, je ne voudrais pas continuer que quelqu'un soit en manque par rapport à ceci. Je ne sais pas où on est là, on est là, je suis là. Ok, le frère Stéphane, il est là, merci. Le frère Francis également, je crois bien. Le frère, la soeur Louise, la soeur Assetou Aïdara, du côté d'Abidjan. Rebonsoir à tout le monde. Rebonsoir, que Dieu vous bénisse alors que nous voyons ces choses merveilleuses. Bonsoir au frère, à la soeur Daouda de Maryland, le frère Jean-Paul, je ne sais pas s'ils sont là. Donc, si vous êtes là, on continue. Donc, la Bible nous explique ici dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11, que certaines personnes. Et souvenez-vous, c'est la suite du chapitre 5. Parce qu'ils sont allés doucement pour toujours le chapitre 5. Parce qu'au chapitre 5, ces gens de la doctrine de comment s'appelait cela, point FR, sont allés piper les versets et sortir des choses hors de leur contexte pour essayer de soutenir leur œuvre satanique. Donc maintenant, ils cherchent comme ça des prétextes pour vivre selon la chair. La Bible nous explique ici que cette personne-ci à Corinthe était des homosexuels. Il y avait des homosexuels, des outrageux, des ivrognes et autres. Mais ils ont été justifiés. Ils ont été sanctifiés, ils ont été nettoyés. Vous voyez? Donc, c'est une reproche terrible que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Verset 15 maintenant. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? C'est la question qu'il les pose. Il pose à ces gens à qui il a s'adressé depuis. Puis il leur dit, prendrais-je donc les membres de Christ pour faire des membres d'une prostituée? Il faut que les gens Nana de Burkina Faso, on dit le pays des hommes intègres, ce qui sont là-bas. Donc, il dit, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec un cas, est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Puis la Bible déclare à l'église maintenant, fuyez l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qui est écrit? Où est le couple Trabi là? Amen. Oui, oui. Dans la Bible déclare qu'on fuit l'immoralité sexuelle. D'autres versions utilisent la débauche. D'autres versions utilisent l'impudicité. Oui. Il dit fuyez l'immoralité sexuelle. Puis il dit quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Puis dit, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc depuis que Christ est allé à la croix, il nous a racheté, personne n'a le droit de légal de faire n'importe quoi sur son corps. Aussi vrai qu'une femme n'a plus le droit de dire qu'il fait le nyanga sur mon corps parce que ça m'appartient, ça ne lui appartient pas. La Bible déclare que si elle est chrétienne, alors son corps ne lui appartient pas. Puis la Bible déclare au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, et il donne l'injonction de glorifier donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient au pasteur. Dans le chapitre 5, donc, proprement dit, où il reproche aux gens qu'il y a de l'impurité au milieu d'eux, au point que ça ne se nomme même pas chez le païen, je veux que vous preniez attention, vous faites attention au verset 7 du chapitre 5. Je veux que vous vérifiez au chapitre 5 de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Lorsque le frère Joben lit le verset, le verset 7, après le frère Camille va relire le verset, le même verset dans sa Bible. Ce sera moi, je prends pour eux. Frère Joben lit le verset 7 du chapitre 5 de 1 Corinthiens et puis le frère Camille va relire le même verset. Verset 7. Je crois qu'on nous avait problème avec le Maroc. Je crois qu'il y a pas. Allô? C'est le verset 1, n'est-ce pas, John? Non, 1 Corinthiens 7. 5, 7. 1. 5, 7, ok, merci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été oublié. Vieux levain. Donc, pas il dit, c'est le levain des pharisiens que nous avons reçu hier. Qu'est-ce que j'avais dit, le levain des pharisiens? J'ai dit ça pour l'épouse, j'ai dit c'est le levain des pharisiens qui peuvent visiter ici. Fais Camille lire. J'ai lu le verset 7. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deviniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Amen. J'espère que vous voyez exactement l'implication, n'est-ce pas? Or, ceci, ça se trouve exactement tout juste après que l'apôtre Paul ait dit ce que les gens prennent pour soutenir les doctrines du péché. Après avoir reproché du fait que, il a dit qu'on entend dire parmi vous qu'il y a une impudicité. Et une impudicité au point où ça ne nomme pas chez les païens. C'est au point où quelqu'un parmi vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'êtes pas à vous repentir. Et que un de tels hommes soit ôté du milieu de vous. Vous voyez ce qu'il a fait. Il a fait des reproches. Et il dit qu'il fait des reproches pas parce que le péché était abondant. Là, il dit que vous êtes une pâte nouvelle. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Pourquoi il a été immolé? Il a été immolé afin qu'on soit une pâte nouvelle. Une pâte sans levain, parce que le levain était le symbole du péché. Donc il dit que vous êtes déjà sans levain. Il dit qu'on célèbre donc la fête sans, avec le levain, une nouvelle pâte maintenant, une nouvelle forme de vie maintenant, qui n'a pas de levain. Donc la vie chrétienne, la vie nouvelle, pour les chrétiens, c'est une vie sans péché, plutôt. Vous voyez ce qui est écrit? Et un être humain, lui comprend plutôt qu'il faut pécher. Romains chapitre 16, chapitre 6, pardon. Nous allons lire les versets 11 à 19. Frère Béguenic, tu crois que tu vas lire? Tu lis un peu à haute voix. Le Romains chapitre 6, versets 11 à 19. Okay. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. à la justice. Alors, les grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. C'est bon là où. Amen. Et là maintenant, ça nous pose un problème. Parce que ceux de cette doctrine, les doctrines de l'évêque dont notre frère Trabi dit, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul dit qu'ils ont obéi à la règle de la doctrine qui a été établie. Et eux, ils disent que les apôtres enseignaient que les gens peuvent vivre dans le péché et ils sont toujours sauvés. Et celui-ci, il a insisté sur le fait que Christ soit mort, on doit se regarder comme mort au péché et comme vivant désormais pour Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible déclare qu'on ne se soumette pas au péché, qu'on n'obéisse pas au péché, pour nous soumettre à ses convoitises. C'est ce que le verset 12 dit. Il dit, n'obéissez donc point. N'obéissez. C'est là où on enseigne la désobéissance aux chrétiens. Dans le thème de la désobéissance, le chrétien doit désobéir au péché. C'est ce qui est écrit là-bas. Amen. Alors, la Bible nous enseigne clairement que la vie du péché est incompatible avec la nouvelle vie en Christ. Là, c'est la vie de sainteté. Et lorsque nous avons ouvert le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 27, là, il a dit que nul impuni entrera. Vous voyez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, il dit qu'il va frayer une route nouvelle appelée la voie sainte. La voie sainte. Cette voie sainte sera inaugurée par la venue de Yeshua. Alors, toute personne qui dit qu'il vit dans le péché, il s'est trompé par rapport à sa conversion. Je vais avancer doucement. Je vais avancer vraiment doucement. Ici, l'apôtre Paul nous enseigne justement. Si vous remarquez très bien comment le verset 1 du chapitre 6 commence. Vérifiez le verset 1 du chapitre 6. Ça fait suite à la loi et la grâce dont il parlait au chapitre 5. Frère Béguiné lit verset. Jusqu'à quel verset? Verset 1 seulement du chapitre 6. Okay. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc vous voyez. Il a présenté la grâce comme il dit au chapitre 5, il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc il y a d'abondantes grâces. Puis il pose la question, ok, c'est pas parce que, est-ce que c'est parce qu'il y a la grâce comme ça qu'on a demeuré dans le péché parce que la grâce a abondé? Il dit, le verset 2 dit, loin de là. Vous voyez? Puis il va expliquer le principe du fait que plus il y a la grâce, plus on doit s'éloigner du péché. Et c'est le thème également qui est développé, vous pouvez noter, Tite chapitre 2, verset 11 à 13. C'est ce qui est écrit là-bas. Dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11 à 13, que nous pouvons lire maintenant, tout de suite, si vous le voulez. Pendant que vous cherchez Tite, je vais citer le livre de 1 Thessaloniciens que je vous ai donné également aujourd'hui. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 3, la Bible exprimant la volonté parfaite de Dieu commence par quatre mots, ce que Dieu veut. Il dit dans ce 1 Thessaloniciens chapitre 4, je crois que si vous prenez, vous traversez déjà 1 Thessaloniciens, c'est que vous êtes près de Tite. Dans 1 Thessaloniciens dans chapitre 4, je vous ai donné le verset 1 jusqu'au verset 5, je crois, ou 6. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que les gens soient saints. Romains chapitre 12 exprime encore le même sujet, qu'on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Donc, dans ce livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible déclare ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impurité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Puis conclut au verset 6 et verset 7 que si toute personne là, celui qui rejette ces préceptes là, ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Donc, toute personne qui rejette la prédication de la sanctification a rejeté le Seigneur. Tite chapitre 3, chapitre 2, verset 11 à 13. Bon, vous êtes là-bas, parmi vous, la personne a chaud. Nous avons chaud ici, grave. Chacun a débalancé le ventilateur ici, là. Nous sommes encore en plein hiver ici. Donc, on a encore froid. Nous sommes en chaleur ici. Nous, on a encore chaud. La sœur Suzanne est là. Laquelle? Ah, non, pas Suzanne Claudon, Suzanne Ngor, il croit bien. Oui. Voilà, vous savez, quand vous n'avez pas de vidéo, c'est pas évident de savoir quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là. Donc, il ne faut pas que les gens ratent ceci. La sœur Alice, tu es attentive là-bas comme le pape. Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Quel, qui va lire? Frère Camille, tu as une version là, on ne comprend pas ça. Où est le frère? Au Maroc, là, le son n'est pas bon. On va prendre où là? Frère Béguiné, lis-nous ça, pardon. Par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'iniquité et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la Bible déclare effectivement que cette source de grâce-là a été manifestée et cette grâce nous enseigne. Donc vous voyez que l'enseignement de la grâce, c'est ce que l'apôtre Paul a passé le temps à expliquer au chapitre 5, au chapitre 6, en disant qu'on ne doit pas prendre la grâce comme une source, une chose qu'on doit mépriser. Parce que si la chose la plus difficile que l'être humain pouvait faire, il n'a pas pu faire et Dieu a dit que je vous fais grâce de cela, on ne doit pas mépriser cela parce qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Vous voyez? Alors ici il dit que cette grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Donc la grâce a un enseignement particulier. Cette grâce-là, c'est que, écoutez très attentivement. Je veux toute votre attention. L'enseignement de la grâce élève la foi au-dessus de la loi. C'est-à-dire que les préceptes de la loi, que la loi condamnait, c'est davantage redemandé dans la foi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ceux qui sont sous la grâce, ce qu'on condamnait sous la loi, on le condamnerait deux fois sous la grâce. Je ne sais pas si juste là, je me fais comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes sous la grâce, vous n'avez rien fait pour mériter cela, vous avez été délivré. Si toi, tu peux t'engager de nouveau. C'est ce que 2 Pierre dit au chapitre 2, le verset 19 à 22. Il dit, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Saint-Seigneur et du Maître Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau. Ils sont vaincus par celui-ci. Leurs dernières conditions sont pires que la première. Car il leur a fallu mieux pour eux de ne pas connaître la voie de la vérité, mais que de se détourner après avoir connu le Saint Commandement qui leur a été présenté. Donc si quelqu'un connaît la voie du Seigneur et s'en détourne, c'est que je ne sais pas comment il peut faire. Alors, souvenez-vous de ce que je le dis. La Bible est en train de nous enseigner que quand on est sous la grâce, on est davantage rigoureux par rapport à notre vie. La ligne de la mondanité doit nous écarter. Amen. C'est ça la grâce en réalité. La grâce, c'est pour montrer aux yeux du monde que nous vivons au-dessus du standard que vous vivez dans le péché. Vous vivez dans la boue, nous ne vivons pas comme ça. C'est ça la grâce, effectivement. La grâce, c'est exactement que là où il y a le péché, je présente la vie de Christ. La grâce, c'est que là où il y a le vol, je présente la sainteté. Là où il y a l'ignominie, je présente la vie de Christ, l'odeur de vie de le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un ne vit pas de telle façon-là, il est encore dans 1 Timothée chapitre 1, dont nous allons y aller maintenant. Puisque vous êtes dans le livre de Tite, donc rentrez tous dans 1 Timothée. Donc si quelqu'un nous écoute maintenant et qu'il est adepte de cette secte-là, qu'il sorte là-bas, sinon son âme va périr dans la géhenne. Je crois qu'il est clair comme ça. 1 Timothée chapitre 1, on y va. Chapitre 1, je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 11 pour que vous compreniez effectivement ces choses dont nous sommes en train de parler. Mais c'est quand même curieux. La Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Quelqu'un dit qu'il faut aller faire la convoitise de la chair. Il faut la délivrance là. Bon, ben maintenant, voilà le frère qui a péché maintenant en l'accueillant chez lui. Il a dit salut. Il a participé à sa mauvaise œuvre, dit la Bible. Grave encore, il a appelé frère en disant que le frère là est dans la même doctrine. Voilà. Le verset 5 de 1 Timothée, chapitre 1. Le but du commandement. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Vous avez vu cela? Venant d'un cœur pur. virgule, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà le but du commandement. On continue. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Vous avez vu les voleurs d'hommes? Les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, la loi est contre ces choses-là. Vous avez vu? Verset 11, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc, l'apôtre Paul dit, d'après la règle de la sainte doctrine, la règle de l'évangile qui lui a été donnée, tout ce qui est contraire à cette sainte doctrine-là est péché. Et il dit que ces personnes-là veulent être docteurs de la loi, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en affirme. Dans ce même 1 Timothée au chapitre 6, verset 3, il dit si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il est orgueilleux, il a la maladie d'oiseuse, des questions oiseuses, d'où viennent les querelles, les disputes de mots, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Il dit, c'est en effet une source de gain, un grand source de gain, que la piété avait le contentement. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 4. Donc, si quelqu'un veut servir le Seigneur Jésus-Christ, il doit être appelé de lui. S'il est appelé de lui, il doit prêcher la sainte parole, les saintes doctrines que les apôtres ont prêchées. Maintenant, dans ce livre de 1 Jean chapitre 5, où l'apôtre Jean est en train de demander qui a ce péché-là, si quelqu'un voit son frère qui commet un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Il y a un péché qui ne mène point à la mort. Remarquez très attentivement que l'intercession est l'apanage de chaque chrétien. Ce n'est pas lui seul qui a dit cela. La Bible dit autrement dans le livre de Galates chapitre 6, il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il dit que toi également, fais attention de peur que tu ne tombes dans la tentation. Donc, si nous voyons nos frères dans le péché, c'est légitime que nous prions pour nos frères, que, oh Seigneur, notre frère, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent dans le péché sans s'en rendre compte que c'est le péché, même si tu le présentes là. Alors tu présentes cela au Seigneur pour que le Seigneur l'en délivre. C'est ce que la Bible enseigne. Dans 1 Timothée au chapitre 6, encore, si vous lisez 1 Timothée au chapitre 6, non, si vous lisez dans 2 Timothée, si vous prenez 2 Timothée au chapitre 2, les versets 24 à 26, il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, mais il doit au contraire reprendre les adversaires avec condescendance dans l'espérance que Dieu leur accordera la repentance et que, revenir à eux-mêmes, ils se dégageront des pièges de Satan qui les a captivés pour les soumettre à sa volonté. Donc vous voyez effectivement que Satan peut captiver quelqu'un, il est dans la volonté de Satan. Il a de suivre la volonté de Satan. Et là, par l'intercession que nous faisons, Dieu accorde la vérité à la personne. La Bible déclare qu'il revenant à lui-même, il se dégagera. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il se dégagera de cela. Mais maintenant, l'apôtre Jean est assez futé pour comprendre effectivement que le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a point d'intercession qui puisse amener à l'expiation de cela. Donc, c'est les deux choses qu'il a de parler. Il parle d'une part du fait qu'il ne parle pas de ce péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On ne peut pas prier contre ça parce que Jésus lui avait dit que si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Donc, on ne peut plus prier pour qu'il soit pardonné. Alors, il a dit que en dehors de cela, si tu vois quelqu'un dans le péché, prie pour lui. Jacques le dit, la conclusion de Jacques, prenons le livre de la conclusion de Jacques. Jacques, le dernier verset de Jacques, ou bien le deux derniers versets. Frère Camille, tu peux nous lire? Jacques, on vient de... Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci, c'est lui qui ramène un pécheur du chemin où il s'est égaré, le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. Amen. Amen. Amen. Frère Béguini, tu peux relire la version du seconde. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui amène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un péché à la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc nous voyons effectivement que c'est l'intercession des frères. C'est une autre doctrine de la Bible. Mais l'ordre a été donné aux chrétiens. Je veux toute votre attention. L'ordre a été donné aux chrétiens, ceux qui se convertissent, ceux qui viennent en union avec le Seigneur Jésus-Christ. L'ordre leur a été donné de façon spécifique. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, dont je vous ai donné, les versets 17 jusqu'au verset 31, il est écrit particulièrement au verset 17 que l'apôtre Paul écrivant, prescrivant à l'église, il dit que je vous commande donc de ne plus vous conduire comme font les païens qui ont l'intelligence obscurcie. Il dit qu'on ne doit plus marcher comme marchent les païens. Donc, ça veut dire que la marche, la démarche et les choses, la façon de faire des chrétiens, on ne doit plus le faire. Donc, comment quelqu'un qui dit qu'il prêche l'évangile et qui fornique, comment tu vas aller prêcher à quelqu'un qui vit dans le monde et qui est dans la fornication? Comment vous allez faire? Comment? La Bible déclare dans le Romains chapitre 2 que toi tu dis de ne pas forniquer, tu fais les mêmes choses. Toi tu dis de ne pas avoir les idoles, tu as les sacrilèges, tu commets les sacrilèges. La Bible déclare qu'à cause de vous, dont le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc on va entendre de telles personnes comme ça que les gens de ces groupes-là sont engrossis entre eux là-bas, ont avorté parce que l'enfant est entré. Non, tu peux avorter, ce n'est pas le péché. Voilà comment on va séduire les gens pour que les gens vont en enfer. Alors dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4, il dit au verset 23 que si du moins vous avez appris la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été enseigné à vous dépouiller eu égard de votre vie passée. Donc lorsque quelqu'un vient en Christ, on doit leur enseigner la façon de se dépouiller par rapport à leur vie passée. C'est-à-dire que la vie passée doit passer véritablement. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et suivant, il dit que lorsque nous étions dans ces choses-là, le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air agissait dans le fils de la rébellion. Il dit que nous étions aussi de leur nombre. Il y avait le train de cette chose-là, l'impudicité, la cupidité qui manifestait sa vie en nous. Et il dit tous, nous étions dans ce monde, dans ce train qui conduisait Satan. Mais on a été délivrés de ce train-là, c'est par grâce que nous sommes sauvés. On a été sauvés de ce train-là, de ce style de vie, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Et là, il dit que ces choses-là ont été accomplies au verset 10 du chapitre 2. Mais ça a été accompli afin que nous pratiquions désormais maintenant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc la vie chrétienne est incompatible du péché. Si le chrétien continue à vivre du péché, de deux choses l'une. Soit il n'a pas été enseigné à se dépouiller, eu égal par rapport à sa vie passée, soit il n'a pas expérimenté la vraie conversion. La nouvelle, celle qui délivre, affranchie du péché. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour ces sujets épineux. Merci pour ces sujets-là. Bon, maintenant, Frère Trabi, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux-là qui vont nous écouter, tous ceux de ce groupe-là, en commençant par leur chef, cite leur nom en leur disant clairement droit et voir que tu es fâché d'eux. Oui. Je commence à dire d'abord au frère Boukan. Pas mon frère, mais bon, comme c'est le langage qui reste, pas mon frère. Je commence à dire à Boukan. Boukan pour la France. La doctrine dans laquelle tu es, c'est une doctrine de mensonge parce que nous ne prenons pas le nom des apôtres pour pouvoir camoufler et demander aux gens de pouvoir vivre selon la chair, que la chair n'a pas le pouvoir pour dominer, pour abandonner le péché. De la même façon que tu as pris l'exemple hier pour démontrer que comment nous sommes dans l'eau et nous refusons de nous mouiller, c'est faux. C'est pas la Bible qui enseigne ces choses. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous pouvons vivre par la nouvelle naissance, libérés du péché. Nous pouvons vivre dans une vie de sanctification, corps, âme et esprit. Donc, tous ceux qui appartiennent à cette doctrine-là, comprenez que vous n'êtes pas dans la vérité. Il est très important de chercher la délivrance. Aussi à chose, comme on appelle apôtre Nana. Il faut qu'il comprenne ce message-là aussi. Pour qu'il comprenne qu'il y a beaucoup d'hérésies qu'il est en train d'enseigner à cette multitude de personnes qui l'écoutent en pensant que oui, on est sauvé une bonne fois pour toutes, c'est tout. On nous dit croire au Seigneur Jésus, on croit au Seigneur Jésus et nous sommes sauvés. Nous n'avons pas le pouvoir de vivre dans la sanctification. C'est archi faux. Donc vraiment, c'est ce message-là que je veux les laisser pour qu'ils puissent comprendre qu'ils cherchent vraiment, véritablement le Seigneur, qu'ils se répandent et pour qu'ils soient vraiment délivrés de cela, s'ils sont vraiment prédestinés. Alors, frère, tu es habitué de la Côte d'Ivoire, là où nous sommes de parler, ce groupe-là est installé et bien implanté chez toi. Oui, oui, je me souviens très bien, parce que j'ai aussi dit ça à mon épouse. Bon, quand j'étais encore dans les dénominations, j'ai vu une fois, ils nous ont invités avec le groupe des marques, tout ça. Ils nous ont invités et après l'évangélisation, dans le monde là-bas, évangélisation, on tournait encore. Après cela, ils sont venus nous dire qu'ils ont un message pour nous. Et je me souviens très bien que c'est ce même Bokala qui est quitté de la France, qui venait d'arriver fraîchement en Côte d'Ivoire, qu'il y a un message qu'il veut présenter. Et nous sommes allés écouter, il a montré le plan. Et son plan, il dit que dans les sept âges de l'Église, ça commence à partir de Adam. Adam avait son message. Dieu lui a dit de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après cela, il va sauter pour tomber dans Noé. Il dit au temps de Noé, c'était le message, c'était d'entrer dans l'arche pour être sauvé. Après cela, il va partir à Abraham. Il va dire au temps d'Abraham, c'était la circoncision. Après cela, il va passer dans le temps de Moïse. Il dit au temps de Moïse, pour être sauvé, il fallait vivre, il fallait respecter la loi. Il y avait 633 lois, il fallait respecter tous ces 623 lois. Autant pour moi. Après ça, il va tomber directement dans Jean-Baptiste. Il va dire, Jean-Baptiste, c'était seulement le baptême, la repentance baptême, tu es sauvé. Au temps de Jésus, c'est seulement, si tu vois le Fils physiquement, que tu crois en son message, tu es sauvé. Et après, il tombe maintenant dans l'église pour dire que maintenant, c'est le baptême, non, repentance, baptême et justification. Une fois que tu as reçu cela, c'est fini. Tu peux tout autre péché que tu vas commettre, c'est la chair. Et c'est la chair là qui va être, quand le Seigneur va revenir, que le sacrifice du Seigneur Jésus est tellement puissant que tout péché que tu vas commettre, le sang de Jésus t'a déjà aidé à baisser à la croix. Pour toi, tu es justifié. Donc, il a présenté ce tableau-là et nous n'avons pas adhéré. Quand il a commencé ici hier, je pouvais lui dire même de sortir, mais je l'ai laissé aller jusqu'au bout pour que aussi soit mon époux découvre ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils enseignent aussi. Certainement, je sais que peut-être elle les connaissait, mais pas dans cette démonstration-là. Et arrivé au bout, vraiment, c'était vraiment rude. On les a montré aussi qu'il faut vivre dans la sanctification avec quelques versets bibliques. Donc, je répète encore, Boka, qu'il se répande et qu'il cherche vraiment la sanctification. Voilà. Puisqu'il y avait des sœurs aussi que tu sais. Je voudrais dire aussi quelque chose. Boka de la France, je voudrais dire quelque chose. Il se balade avec des femmes, des gens, pour faire soi-disant l'évangélisation. Ces femmes-là ont la mise de prostituées. Je n'ai pas manqué de leur dire ça hier. Elles se déguisent. Et elles disent qu'elles sont en train de porter l'évangile de retour des apôtres. Elles sont remplies de querelles. Et quand on leur parle de leur habillement, quand on leur dit que ce qu'elles font vient du fond de leur cœur, pour finir, elles disent qu'on est en train de leur juger, que je suis en train de leur juger. Mais bon, quand tu dois dire la vérité aux femmes des gens qui traînent avec toi, tu dois... Quand lui-même n'est pas déjà dans la vérité, il va dire quelle vérité alors? Tu dois leur dire, toi et... parce que l'apôtre Lana t'a trompé. Il n'est pas en train de retourner à la doctrine des apôtres. En fait, le nom que vous êtes donné, c'est tellement subtil, et comme les gens ont encore soif du péché, ils vont adhérer à votre truc et vous allez les conduire comme ça à l'enfer. Cherchez votre délivrance. Vous avez besoin de la délivrance. Parce que vous n'avez pas... Comment le Seigneur vous a créé parfait? Vous êtes bien, vous êtes belle. Pourquoi avez-vous besoin de prendre le faux, les faux cheveux pour ajouter sur le vrai? Pourquoi avez-vous besoin de venir devant le miroir, vous maquiller, pour pouvoir partir, vous plaquer dans les pantalons? Connaissez-vous l'origine des pantalons? Et vous vous baladez comme ça, vous dites que non, mon mari m'aime comme ça quand je suis dans les pantalons. Arrêtez ça un peu. Ça, ce n'est pas servir le Seigneur Jésus. Vous dites que vous êtes sauvé, vous êtes déjà justifié, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez être très surprise au dernier moment, vous allez être surprise quand la trompette va sonner. Parce que vous êtes derrière quelqu'un en train de mener toutes sortes de convoitises de vie. Vous laissez vos maris mettre des enfants à la maison. Vous dites que vous êtes en train de faire les choses, l'œuvre de Dieu. Dans la grande commission, on ne vous a même pas appelé. Sur la montagne, il n'y avait pas de femmes. Il faut arrêter ça, mes soeurs. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Arrêtez ça, restez avec vos maris. Si vraiment il y a l'œuvre de Dieu à faire, amenez vos maris qui vont accompagner, qui vont faire les choses clairement. Mais vous ne faites même pas, même vous ne dites même pas la vérité. Vous tordez le sens des Écritures, vous balayez tout d'un revers et vous dites aux gens que quand ils ont eu la repentance, quand ils sont passés par les eaux de baptême, quand ils ont été justifiés, c'est fini, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Et que toutes sortes de péchés qu'ils peuvent commettre, que ce corps-là va être changé. Donc le corps-là vit que pour le péché et qu'il faut lui donner sa nourriture. Mais entre nous, quand vous dites ça, vous êtes bien. Vous êtes bien avec quelque chose que vous aspirez avec ça. Moi, j'ai une colère sainte. Parce que vous êtes venu ici dans notre maison, vous avez manifesté tout ce que vous êtes. Vous vous cachez derrière la doctrine des apôtres et vous empoisonnez la vie des gens. Et il y a des gens qui adhèrent à ça. Je dis, tous ceux qui ont entendu parler de retour doctrine des apôtres.fr, faites vraiment attention. Parce qu'ils ne sont pas en train de retourner à la doctrine des apôtres. Ils prennent une couverture de retour doctrine des apôtres, mais c'est les garnements. Ils tordent le sens des Écritures et ils vous font retourner en Égypte, comme avant. Amen. Donc, vraiment, c'est ce message là-bas. Amen. Amen. On va terminer avec, je vais lire deux versets bibliques et je crois que si quelqu'un a quelque chose à dire là concernant ce sujet, c'est pourquoi on ne mélange pas. On va lire deux versets dans le livre de 1 Pierre. Prenez 1 Pierre. Que Dieu nous vienne en aide en ce siècle-ci. Amen. Et les pauvres âmes ne cherchent que la vérité. Tout simplement pour les conduire au Sauveur. Et il y a des voies tortueuses, des voies tortueuses, des voies, on y place des embûches. La Bible dit malheur par qui le scandale va arriver. Malheur. Un Pierre, au chapitre, je prends d'abord le chapitre 2, versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Je veux que vous ayez ça devant vos yeux et puis je lis. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyager sur la terre, à vous abstenir aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne... J'espère que tout le monde y est. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2. Je suis dans le verset 11 et 12. Tout le monde y est. Voilà. Ayez, verset 12 maintenant, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent, les païens, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà le premier passage. Le deuxième passage se trouve au chapitre 4. Chapitre 4, verset 1 à 5. Chapitre 4 de 1 Pierre. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Quand ça s'est accompli, mais selon la volonté de Dieu. Donc, celui qui a fini avec le péché ne vit plus selon la convoitise des hommes, mais il vit selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Mais ces gens-là nous disent plutôt qu'il faut nourrir la chair avec le péché. Puis le verset dit, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi, puisque parce que vous ne faites plus la même chose, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Donc voilà l'apôtre Pierre qui a parlé, il a sanctionné et il nous a dit qu'on vive de cette façon-là, on ne vit plus selon les convoitises du monde. Que Dieu notre Père vous bénisse, vous tous dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, frère. Amen. Merci, frère. Merci. Bravo. Ça, c'est l'effet de démonstration. Le déchiré, ça y est, il est mis dans la poubelle. Mais je dis, je vais aller chercher parce qu'il y a des preuves dessus. Il est allé chercher pour reconstituer ça. Il dit non. Le matin, je me dis, non, il faut qu'il y ait des preuves. Voilà, c'est ça, les feuilles de démonstration. Le tableau. Il n'y a pas eu tableau chez nous. Donc, ils ont envoyé mon cahier et mon marqueur. Ils ont pris leur temps pour écrire dedans. Je dis, l'homme a trois esprits. Ah ouais. Non, même Junior. C'est un point de rire. Oui, Junior. Oui. Oui. Dans Genèse au chapitre 12, là où Pharaon avait enlevé Sarah, et Pharaon a dit la chose à Abraham que aussi l'ai-je prise pour ma femme. Il dit que lui et ses soeurs-là disent que Pharaon avait couché avec la femme d'Abraham. Mais dans ce verset-là, Dieu dit justement dans ce verset-là, c'est pour ça qu'il n'est pas permis que tu la touches. C'est ce qui est écrit là-bas. Attends, c'est au 12, non? Au 12 chapitre. C'est ce qui est écrit là-bas, non? Attends, non. C'est pas au chapitre 20. Chapitre 12. Au chapitre 12 de Genèse. Verset. Chapitre 12, verset 14. Oui. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était belle, très fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle et Abraham sut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Oui. Mais le peuple frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Oui. Au sujet de Saraï, sa femme. Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Donc oui. Le fait que Pharaon dit que aussi l'ai-je prise pour ma femme, donc Pharaon aura déjà couché avec la femme d'Abraham. Oui, David aussi avait pris Mika. On avait pris la femme de David à lui donner à un autre. Est-ce que ça veut dire qu'il avait pris, il avait couché avec lui? Oui, il voulait même dire quoi au juste? Qu'est-ce que ça a à voir avec les doctrines des apôtres? Il voulait soutenir que Pharaon avait couché avec la femme d'Abraham. C'est la raison pour laquelle Dieu a frappé des grandes plaies Pharaon. Mais ici, le verset ne nous dit pas qu'il est arrivé à connaître la femme d'Abraham. Mais tu leur as dit ça, non? Oui, bien sûr. Mais c'est que ça va. Oui. La Bible dit dans Corinthiens que n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, franchement, ces déductions-là. Voilà. Et il dit que l'homme a trois esprits. Que l'homme a reçu l'esprit de Dieu. Et l'homme a reçu aussi l'esprit de qui? De Lucifer. L'esprit de Lucifer. Et l'esprit de quoi encore? Que l'homme porte en lui trois esprits. Il y en a trop de choses, trop, donc ça va. Le plus important, on l'a reçu, c'est par la grâce de Dieu. De toutes les façons, le plus important, c'est que bon, on a dit ce qu'on pouvait dire et on a rejeté ce qu'on pouvait rejeter. Et d'après lui, c'est que ce qui n'était pas fondé, on leur a dit que ce n'est pas fondé. Voilà, nous savons que Dieu a donné un seul esprit à l'homme. Et puis il a dit que oui, pourquoi est-ce qu'il a fait sa démonstration en disant que l'homme a trois esprits, parce qu'il y a l'homme, l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme et puis il y a le Saint-Esprit maintenant. C'est pour ça, et que tous les trois, l'homme porte cela. J'ai dit bon, de toutes les façons, il y a l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui ne connaît pas Christ. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Christ. Ça, c'est l'homme animal. Bon, avec votre expérience, est-ce que Dieu connaît ces gens-là comme ses serviteurs? Jamais. Qui, le groupe-là, retour doctrine des apôtres, selon l'expérience qu'on a, on sait qu'ils ne sont pas, ils ne sont même pas délivrés. En fait, les femmes même qui l'accompagnent, elles sont bien chargées. Elles sont bien chargées. Mais pourquoi vous n'avez pas délivré alors une fois? Frère Camille, oui, il était la carrière. Oui. Mais c'est le même qui était là l'autre fois, je crois qu'il y a cela parce que moi qui, dans, avec qui vous avez parlé de qui m'a dit qu'il était mené à la mort ou pas, c'est le même. C'était au téléphone. Ok. Ils sont quittés de la France parce que j'ai dit bon, ils disent comme les apôtres se déplaçaient, et aussi moi se déplaçaient pour venir puisque le téléphone, c'est. On peut dire beaucoup de choses au téléphone, mais ils vont venir physiquement pour qu'on parle. J'ai dit, ok, venir physiquement pour qu'on parle, c'est bon. On va prendre plusieurs temps. Au téléphone, on ne se connaît même pas, c'est pas qui est qui. Donc, venez. Et ils sont venus. Ils ont insisté de venir. Et lui, mon Seigneur m'a demandé, j'ai dit que c'est pas la peine, parce que ceux-là, j'ai déjà discuté avec plusieurs d'eux sur le Facebook et je sais quelle position ils ont. Il dit non, comme on ne les connaît pas, peut-être que ce n'est pas vrai, c'est que ce qu'on pense d'eux, il faut qu'ils viennent. Alors, ils sont venus, on a vu vraiment ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur d'eux. Mais moi, je savais qu'il y avait des gens comme ça qui étaient cachés derrière, soit retour, doctrine des apôtres, mais qui s'opposent à la saine doctrine. Il y a longtemps, ils sont des opposants à la saine doctrine. Et pour eux, tant que tu n'es pas passé par eux pour passer par les eaux du baptême, en dehors de personne n'est sauvé. Ils réagissent exactement comme les gens de Kakou Philippe, exactement comme les gens des témoins de Jéhovah. Si ce n'est pas hors eux, personne n'est sauvé sur la terre. C'est vrai, moi j'ai reçu il y a quelques temps aussi les témoins de Jéhovah qui m'ont répété parce qu'ils ont le même discours, mais à part eux. Donc ce qui me passe à part eux, c'est la permission. J'ai dit, j'ai douté. J'avais des raisons solides pour ne même pas croire à la doctrine, donc je connais un peu la Genèse depuis la création de mon mouvement, avec la maison que le juge Franklin a loué, qui a créé la Villa des Princes pour abriter Abraham, Isaac et Jacob qui devaient ressusciter en chef. Donc j'avais des raisons solides pour ne même pas les écouter. Donc vraiment, excusez-moi. Alors, de toute façon, on a fini avec les doctrines des apôtres. Le frère Bérénique, il va te parler tout à l'heure, d'accord, mon frère? D'accord. La sœur Alice, ton mari est là? La sœur Alice? Oui, il a coqué. Voilà, donc je vais vous parler tout à l'heure, ça c'est en off. Salut mon cher, salut, il fuit, le gars il fuit. Bienvenue. Ouais, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Tout à l'heure, quand on finit en assemblée, il y a un autre couple là-dedans, le frère Bérénique, la sœur Gigi, c'est Gigi, et le frère Joben, donc 1, 2, 3, 4, donc je vais vous parler après, que Dieu vous bénisse. Avant que tu nous parles, on avait commencé un truc là, avec le frère Joben, donc j'espère qu'on aura l'occasion de en parler au niveau de, parce que le frère Joben a commencé à parler, et beaucoup de personnes se sont manifestées aussi, qui ont expérimenté la même chose, donc je crois que, peut-être dimanche, peut-être à Dieu, on parlera de ça. Ok, que le Seigneur. Je vais te souffler quelque chose tout à l'heure quand je parle avec lui en offre. Ok, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans la paix. Le Seigneur, merci beaucoup. La parole, merci beaucoup.